Jusqu'à la dernière goutte, bien entendu, Gérard est parti, car nous avons décidé qu'il valait mieux en arrêter là, vu les grands... Bon, j'arrête. Pour vous expliquer, c'est que Gérard, qui ne souhaitait pas faire le débat sur le silicone, voulait absolument aborder ce débat, alors qu'au départ, il ne voulait pas le faire, parce que c'est moi qui lui avais demandé de le faire. En plus, c'est même pas lui qui avait préparé les questions. Le premier débat, il l'a abrégé, et puis même en interne, ça devenait vraiment monsieur cela jouait star, c'est-à-dire que Olivier n'a pas cessé de mettre des sons derrière alors qu'on a strictement rien entendu. Manu ne faisait pas son travail avec Rigo, il ne faisait qu'une chose, c'était passer que des habituels, etc., etc. Donc Gérard est, en ce moment a besoin de vacances, donc il est possible qu'on le retrouve, comme c'est possible qu'on ne l'entende plus jamais, puisqu'apparemment Gérard a souhaité ne plus jamais intervenir sur cette antenne. En tout cas, on le retrouvera pas jeudi prochain, ça c'est sûr. On lui donnera un peu de vacances, donc d'accord. Ce qui n'empêche pas que nous allons faire quand même le débat comme sous-traité. Moi ça va, j'entends pas une deuxième voix. Non, ce qui est marrant par contre, c'est qu'on entend une masse, on entend un bzzz. C'est quoi? Moi je sais pas, c'est l'effet. Ah, c'est l'effet, d'accord, c'est l'effet technique. On va essayer de faire une sorte de mini débat qui n'ira pas jusqu'à 4h du matin, parce que je suis carrément explosé moi, donc on va quand même avec Olivier, avec Fildar, avec Lali et Ringo, et également Manu, tâcher de faire quelque chose de plus ou moins correct. Donc on va faire quand même le mini débat sur le silicone. On va le faire, mais là si tu m'en mets toutes les 5 minutes, on va pas s'en sortir. Alors on va accueillir pour ça des gens, n'est-ce pas Manu? Et ouais. Moi ça me dérange pas qu'il y ait des habitués, hein, parce que c'est quand même ceux quand même qui ont le plus de jus. Pas de problème. C'est quand même les plus fut-fut les habitués. Ce que Gérard n'a jamais compris, c'est quand même les plus fut-fut. Alors on a pour commencer Lisa. Bonsoir Lisa. Bonsoir mon petit Max. T'as quel âge et t'appelles d'où? J'ai 20 ans. D'accord, et t'appelles de? Bordeaux. D'accord, très bien. On a Tony également? Non, c'est Jean, j'ai 12 ans, j'appelle de Castres. D'accord, très bien. Bon alors Lisa, faut la mettre plus fort. Tony, faut rabaisser un petit peu le niveau. On a Delphine également? Oui. Delphine, tu es là, et mets tous en air. Bonsoir Delphine. Oui, j'ai 19 ans, j'habite à Aix-en-Provence. Oh, quelle jolie ville, Aix-en-Provence, et j'adore. Oui, ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Stéphane? Ouais, c'est Stéphane, j'ai 28 ans, j'habite Compiègne. D'accord, donc pour l'instant vous êtes 4, il reste encore 2 places. Donc si vous voulez intervenir sur le débat, il y a bien entendu 2 personnes au standard, le 0870-5000 et le 0803-08-5000. Non, mais... Le Minitel se casse la gueule hein, depuis que t'es là. Ah, le Minitel se casse la gueule, enfin oui, parce que les gens ne mettaient que des insultes. Allô, allô. Ah bah voilà Gérard, t'es là Gérard. Oui, on va continuer le débat. Bon. Bon alors vous allez commencer par vous calmer un petit peu, ok? D'accord. Ok. Alors, non, vas-y. Non, mais je veux pas de conneries encore comme tout à l'heure. D'accord. Mais il n'y en aura plus, c'est promis. Reviens là, parce que tu t'es mis dans ta cabine là, mais t'es où là? Là? Oui. Ouais, je suis dans la cabine. Ah d'accord, ok. Bon, c'est mieux, remarque, c'est mieux là-bas, ouais. Alors, je vais animer le débat avec toi, Gérard. Ouais. Alors, pour l'instant, nous sommes 5, il reste une place alors. Qu'est-ce que tu fous, Ringo? Tu vas où? Attends, Ringo, il se lève, tu vas où? Tu restes assis, tu fais ton boulot? Non, mais c'est bon. Non, mais tu vois, comme quoi ils font mal leur travail parce que le standard n'arrête pas de sonner et il reste quand même une place. Quoi. Voilà. Donc... Caramel, il a qu'à téléphoner. Voilà, exactement. Il y a Arnette aussi qui vient d'un. Ah, salut Arnette. Ouais, salut Max. Ça va bien? Ouais, tranquille. Alors, on est bien entre nous, remarque, ça fait du bien. Ouais. Hein. Au moins, on va pas entendre un mec gueuler toutes les 5 minutes. T'as pu un peu moins. Non, ça va, pas de méchanceté quand même. Oh, comment il parle, Lascar là? Attends, Arnette, moi je vais te dire une chose. Je t'emmerderai. Alors, attends, quand on t'appellera pour tu sortiras de ce lit, ok? Alors, on va faire la première question sur. Alors déjà, Lisa, est-ce que tu envisages ou est-ce que tu es siliconée? Ah non. Delphine. Voilà, on compte le silicone. Ouais, alors Delphine, toi. Pas du tout. Et vous les garçons, est-ce que vous trouvez ça joli? Ouais, bah moi j'ai des couilles siliconées donc ça me plaît. Ouais, Est-ce que vous trouvez que les seins siliconés c'est joli? Ça dépend les filles, quoi. Pas du tout. Ah, ça dépend les filles. Ah bon? Non. Alors qui souhaite intervenir? Moi ça dérange pas, c'est Tony. Ça fait du bien de faire un vrai débat. C'est clair. Moi je voulais dire une vraie conversation. Alors, les seins siliconés ça me dérangeait pas parce que. Attends, je vais faire comme Gérard. Toi tu te la fermes. C'est chacun son tour. Une fille. Bon allez les mecs vous dégagez, je garde que les filles. C'est vrai que c'est facile à faire ce que fait Gérard. C'est vrai qu'on on tombe très vite dans l'aigreur. Alors Tony toi. Ouais, moi je voulais dire que bon les seins siliconés ça me dérangeait pas trop parce que je faisais que sodomiser moi. Ah oui d'accord. Non. Mais alors un petit cul comme ça bien siliconé. Bien siliconé, bien rond, bien ferme, ouais ça peut le faire. D'ailleurs j'ai remarqué qu'aujourd'hui toi qui es venu à la queue t'avais remarqué qu'il y en avait quand même 2-3 intéressants. Ouais c'est vrai. Hein. J'ai jeté 2-3 coups d'œil. Il y a pas que des boudins. Hein. Non, c'est clair. T'es bien entouré. Ah Arnette. Ouais c'est clair. Delphine. Bon continue là. Bon Delphine, si toi tu devais un jour te faire siliconer, est-ce que tu envisages peut-être à l'avenir si demain quand t'auras 40 ou 50 ans de te faire siliconer? Bah pour l'instant non pas du tout parce que. Mais une soirée silicone carnet non? Non je te disais je trouve que mes seins vont bien avec mon corps donc pour l'instant non. Et tu fais du combien? Mais pourquoi? Bah quoi? Tu fais pourquoi du combien? 85C. Oh, Tony, tu la fermes. Tony, tu la fermes. Oh. Oh, vous la fermez, là. Bon, vous la fermez. Eh, bon, eh. Oh, 6 minutes. Oh, ça va gerber, là. Bon, alors, Manu, tu prends tous les mecs au standard, là. Allez, hop. Ok, Gigi. Oh, calme-toi. Le problème, c'est que dès qu'il a eu une mallette et un portable, il s'est pris pour un homme d'affaires, ce clodo. Bon, alors, Tony, tu me le prends. Bon, alors, Tony, allez, hop. Non, Tony, tu dégages. Bon, allez, J'ai quand même une question sur Minitel, ouais, intéressante. Est-ce qu'on peut se siliconer la bite? C'est alors, Julien. Non, mais sérieusement. Non, mais attends, Delphine, avant qu'on aborde cette question, pour terminer, oui, parce que là, on part dans toutes les directions, très sérieusement. Delphine, est-ce que, je te demande pas aujourd'hui, parce que j'imagine que t'as un corps qui ne demande, oui, pas être siliconé, mais si demain, enfin, quand t'auras 50 ans, est-ce que dans l'avenir, déjà, t'es contre total ça ou tu envisages, pourquoi pas Mais si à 50 ans, ça sert à rien, du 50 tout. Non, mais bah, à 35 ans, alors 30 ans, 35 ans, 35 ans. Bah non, parce qu'à 30-35 ans, j'aurai les mêmes 5 maintenant, enfin, j'espère. Menteuse, bah non, ça tombe. C'est clair. Bon, non, quand même, c'est pas les mêmes. Entre 19 et 35 ans, c'est pas pareil. Bah, ils seront plus gros, peut-être. Non, mais est-ce que, en gros, parce que je sais que t'as pas l'air de comprendre ma question, mais si demain tu dois. Est-ce que t'es contre ça Pas du tout. Je suis pour la chirurgie esthétique. Ah, pas d'accord. Voilà, non, moi je trouve que c'est. Pourquoi pas, on peut. Ah, moi je suis pas d'accord. Alors, pourquoi alors Lisa n'est. Attendez, Lisa n'est pas d'accord. Pas, ça, pourquoi pas du tout d'accord. Mais ça dépend. Je suis contre la silicone, parce que je trouve que ça rend les femmes artificielles, on dirait des petits peu gonflables. Ouais. Il vaut mieux être fier de soi, il faut s'accepter soi-même, puis c'est bon. Hein. Ouais. De toute façon. Oui, mais. C'est-à-dire que si demain. Jamais. Jamais. Alors là, cette idée ne me traverse pas l'esprit. D'accord, tu veux garder ton corps comme il est et tu veux surtout pas le modifier. Même, ouais. Et tu trouves que bah, c'est ce qui est logique, quand les années passent, forcément ça s'autodétruit. Ah non. D'accord. Non, alors qu'un homme reste beau tout le temps. Jusqu'à 70, ouais, jusqu'à 70, 75 ans. Il en pense quoi, Gérard? De quoi? Il en pense quoi, Gérard, des seins siliconés? Non, attends, c'est bon, pour l'instant, je t'ai pas choisi. Hein. Mais il me paraît bizarre quand même, ce Gérard. J'ai l'impression que c'est le faux, non? Non, c'est le vrai. Attends, non, mais. Alors, attends! Non, par contre, il est possible qu'il y ait le faux qui soit venu ce soir, effectivement. Ouais, voilà, je crois plus. Ouais, mais. De toute manière, si vous continuez à vous foutre de ma gueule comme ça, ça va gerber et je vais raccrocher. Ah, mais donne-nous des preuves que c'est bien le vrai Gérard, là, parce que je commence à avoir des petits doutes, hein. Mmh. Moi aussi, j'ai des petits doutes, là. Alors, donne-nous des preuves. Bah non, je crois que c'est bah, vrai. Bah c'est clair. Qu'est-ce que vous voulez comme preuve? Ah bah la première preuve, je voulais savoir qu'est-ce que tu te mettais dans le cul avec Christine. Voilà. Et pas ton tige. C'est notre Gérard. Vous savez ce que j'aime bien, moi? Non. Et quand on tige dans le cul. Ouais. Non, c'est pas le vrai Gérard, ça. J'ai des doutes, hein, quand même. Ah, si, c'est moi, hein. Bon, d'où t'appelles? De la vue. La cabine à côté de la pharmacie. Poil de la bête. Voilà. Bon, alors, on revient sur le débat. Donc, la question d'Olivier était Si on pouvait se faire siliconer la bite. Alors, est-ce que les filles, qu'est-ce que vous aimeriez plutôt voir siliconer chez un homme? Qu'est-ce que vous aimeriez? Quelle est la partie que vous aimeriez que ce soit siliconé pour que ça soit justement une partie parfaite? Les fesses. Ouais, les fesses. Bah, chez moi, ça serait servi. C'est vrai, Delphine, comme Lisa, c'est les fesses. Attendez, que tout le monde parle pas en même temps. Delphine, c'est ça? Ouais. Et Lisa? Ah, je suis pas d'accord. Ça serait quoi? Non, mais qu'est-ce que ça serait, toi, de Lisa? Ah non, rien du tout. Un mec, il est beau comme il est, c'est tout. D'accord. Toi, Delphine, le cul, tu regardes, c'est ce que tu regardes en premier, quoi? Non, c'est pas ce que je regarde en premier, mais je pense pas qu'on puisse siliconer une bite. Ouais, mon cul. Non, mais ça pourrait être le torse ou j'en sais rien, le lobe de l'oreille. Les fesses, ouais, c'est bien. Ouais. C'est bien, ouais. Les lèvres, ouais. Quand on voit comment elle s'appelle, celle de la série, là. Pamela Anderson. Ouais, Pamela Anderson qui s'est tout refait faire, attends, là. C'est gonflable, hein. Ouais, bof. On en fera quand même bien son 4 heures. Bah écoute, je crois qu'il faut la voir pour de vrai parce qu'on la voit dans les séries télévisées, mais pour de vrai, à mon avis, elle est beaucoup moins excitante que doivent être. Par contre, ce qui est un peu dommage, c'est qu'on voit dans toutes les nouvelles séries maintenant, dès qu'on voit une nouvelle fille qui apparaît dans une série, qu'on la voit et tout, on se dit putain, mais elles se sont refait les seins, elles ont toutes les mêmes obus, ils sont bien droits, bien ronds, ils sont à 50 cm l'un de l'autre. Alors que c'est tellement plus joli de voir 2-3 seins qui tombent comme Delphine ou Lisa, hein, avec des gros tétons, laits, avec des rides déjà dessus, je trouve ça tellement plus joli. Avec des poils. Hein? Ouais, Christine, qu'il y en a pas. On aurait bien besoin de la silicone. Qui? Christine. Ouais, bah oui, mais la Christine, elle est plus là. Bah, Gérard, je préfère pas qu'on parle de Christine. Hein. J'ai une question pour Gérard. Attends, c'est quoi ces conneries là? Gérard, ouais. J'ai une question pour toi. Il y a Julien qui te demande est-ce que c'est vrai que tu t'es fait siliconer les poils de cul? Oh, attends! attends, c'est qui pose cette question là? Julien. Ouais, bah, Julien, s'il m'écoute, il va se faire sodomiser. Voilà. Bon, alors comme dirait Jana, est-ce qu'on peut siliconer une maison? Ouais, bon. Bah oui. C'est question à qui ça? Ça c'est à moi, mais c'est comme si je faisais à la Gérard. Ah d'accord. Je vais partir dans les débats à la Gérard. Est-ce qu'on peut siliconer une maison ou un appartement? Bon, Lisa. Ouais, c'est possible. Attendez, Lisa, vous vous la fermez. Bon, arrêtez. Tu te calmes, Gérard. D'accord. Bon, est-ce qu'on peut... Alors, Lisa, s'il te plaît. Bon, oui. Alors, Manu, est-ce que Lisa, est-ce qu'on peut siliconer un appartement ou une maison? Non. Non, c'est pas. Alors, pourquoi? Pourquoi? Parce que scientifiquement, le silicone, c'est une matière qui ne peut être collée qu'à des êtres, qu'à de la chair, qu'à des tissus. Comme par hasard. C'est marrant, on peut l'imiter en deux secondes, le Gérard. Bon, Tony. Ouais, moi je pense pas. Tony, tu la fermes. Vous la fermez tous les deux. Moi je pense pas qu'on puisse siliconer une maison, mais par contre on pourrait plastiquer l'appartement à Gérard. Moi, Tony, je veux te dire une chose. Et dégage. Tu vois maintenant, moi je commence à l'avoir. Bon, allez, Tony, tu dégages. Tony, j'occupe Tony. Tu me chopes tout, Tony et toute la bande là. Voilà, Tony. Hop, on accueille Jean à la place de Tony. Salut Jean. Bonsoir tout le monde, bonsoir. Comme par hasard. Comme par hasard. Que si c'est pour reprendre la même voix et le même nom, alors là c'est même pas la peine, c'est simple, c'est clair et net, tu dégages. Tu dégages. Bon. Tu te casses. Bon, Tony. Oui. Tu vois, on t'a reconnu. Tony, on t'a reconnu, Tony, donc tu te casses. Manu. Manu, tu qu'est-ce que j'ai dit? Ok, on dégage. Ouais, Tony. Tu dégages, Tony. Allez, bonne nuit. Allez, bonne nuit. Bonne nuit, tout le monde. Max. Attends, attends, Olive, tu joues à quoi là? Bon, Delphine, est-ce qu'on peut siliconer une maison ou un appartement? Tout à fait, quand la maison est trop petite ou qu'il n'y a pas de maison, on la silicone et après il y en a. Tu veux dire quoi? Que si on silicone un appartement de 30 mètres carrés, il peut atteindre 40 mètres carrés? Tout à fait. Tout à fait, oui, oui. Ouais. Mais c'est comme pour les... Voilà, la prochaine question. Non, que attends. Que vous du port des filles siliconées? Stéphane n'a pas parlé. Stéphane et Arnette n'ont pas intervenu. Stéphane, je t'écoute. Ouais, c'est possible. Ouais, c'est-à-dire? Bah, t'en mets dans les murs et puis ça rend étanche, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Arnette? Ouais, bah, moi je pense que c'est impossible de siliconer une maison, mais un truc qu'il faudrait sérieusement siliconer, c'est le sexe de Gérard. Ah, attends! Non, mais attends. Alors, Gérard, qu'est-ce que t'as à dire est-ce à que ça? Est-ce que t'as les preuves noir sur blanc sur cassette? Ouais, je les ai, ouais. Ouais? Oh, non! Comment ça? Ah, bah, dis donc, ouais. Gérard! Eh, vous jouez pas avec ma voix! Alors, question. Hein? Question... Parce que les conneries, ça va maintenant, je commence à avoir ras-le-bol. Question suivante. Ta gueule, si je veux, ok. Gérard, s'il te plaît. Question suivante. Est-ce qu'on peut siliconer un CD ou une cassette? Ah oui. Non, impossible. Si, négatif. Alors, Lisa. Si. Non, c'est pas possible. Lisa, tu réponds à la question, s'il te plaît. Tu réponds à la question, tu... Oui, mais je réponds à la question. Ouais, t'as de marrer là, t'as du monde derrière, c'est bon. Attends, tu t'es monstre parce que t'as un téléphone portable et c'est pourri. Bon, Manu, Olivier, non, Gérard, t'appelles d'un portable. On te souffle, bon. On te souffle. T'as du monde derrière toi. Bon, arrête. Bon, alors. Bon. Olivier, j'entends deux sons, alors t'arrêtes. Olivier. Bon. Bon. Bon, alors tu me chopes tout le monde. Bon, voilà, alors Max. Écoutez, enlève-moi tout le monde. Dès que tu gueules, ça remonte sur le Minitel, hein, 8 connectés. Bon. Bon. Ça va être clair et net. Ça va être clair et net. Le premier remix. Vous la fermez, s'il vous plaît, les gars. Olivier! Le premier. Ça va être clair et net. Le premier remix que j'entends. C'est un ultimatum. Ça se termine au tribunal. On est bien d'accord. C'est clair et net. À la rigueur qu'on me dise Gérard et tout ça, bon, à la rigueur, ça va. Alors, vous laissez Christine de côté, s'il vous plaît. Par exemple, alors ça, je veux plus entendre. Ça soit clair et net. Alors maintenant, je vais reprendre gentiment le débat. Manu, j'espère qu'ils se sont calmés. Et je repose la question, est-ce qu'on peut siliconer une cassette ou un CD? Non. Alors, Lisa, je t'écoute, s'il te plaît. Non, Gérard, c'est pas possible. Gérard. Et pourquoi? Pas Gérard. Vous la fermez. Oh. Mais Manu, pourquoi, Lisa, pourquoi? C'est que mine de rien, faut tenir le rythme à Gérard. C'est vrai. Mais pourquoi, Lisa? Manu pourquoi on a tenté, hein? Parce que moi, je passe. Bon, alors moi, j'arrête. Gérard, quoi? Qui c'est qui a dû enculer? J'ai entendu enculé, j'ai entendu ta gueule. Bah tu dégages, allez, bonne nuit, allez, allez, Manu, allez, tu me chopes celui qui a dit ta gueule, tu me le chopes, tu me le chopes. Bah, allez, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit, bonne nuit. Bon, bonne nuit, Lisa, Lisa, je t'écoute. Oui, comme je disais, c'est pas possible. Je t'écoute, mon bébé jaune. Comment? Je t'écoute, mon bébé jaune. Ah, d'accord. Bon, moi je continue pas dans des conditions pareilles, j'arrête. Non, non, c'est pas possible. Non, je ne continue pas. Hey, Gérard, j'ai une feuille d'embrouille. Je ne continuerai pas. Je ne continuerai pas dans des positions. Max. Max. Max. Tu demandes à Manu qui se réveille. J'attends. Ah ça y est, il boude. Voilà. Ah, sors des toilettes, Gérard. Eh, Caramel, il fait quoi encore des conneries? J'arrête. Bon, tu te calmes, ok? J'ai déjà dit. Bon, Olivier, s'il te plaît. Bon, t'arrêtes avec les chants, là. Ça commence à suffire, Olivier. C'est clair et net. C'est un ultimatum. Le premier que j'entends dire. Et j'entends le double voix me. Olivier, merde! Olivier, merde! C'est vraiment ça. Bon, allez, c'est bon. Allez, hop. Bon, allez, hop. Bon, allez, hop. Bon, moi, j'arrête. Hein. Le moi, premier... J'ai une petite question. Manière, vous commencez à m'énerver. Le premier... C'est bon. C'est clair et net. Chez toi et c'est bon. Le premier que j'entends... Attends. En train de chuchoter, papoter, papoter... Quoi que ce soit, ça finit au tribunal. Bon, alors sérieusement, Tony, est-ce qu'on peut siliconer un CD ou une cassette? Bah, je pense pas, non. Pourquoi? Bah, je pense pas que c'est possible, techniquement. Ah oui, comme par hasard. Et par contre, j'ai une bonne embrouille. Comme par hasard. Everybody dead on the dead floor. Hello, everybody, get out of the corner. Qui c'est qui fait ça? Encore c'est pas. Stéphane, tu tiens un petit peu. Gérard. Gérard, t'es connard. Pédé. Gérard. Et voile dans le bar. Hello, everybody. Ah, il est en pleine forme ce soir, le gamin. Hein. Il est très. Pédé. Voilà. Alors, on a Stéphane. Non, tu tiens, sinon, ouais, je dors en vagie directement. Hein. Bon, alors, Delphine. Ouais. Est-ce qu'on peut siliconer un CD ou une cassette? Bah, moi, je suis contre la différence d'âge entre les CD et les cassettes. Ça n'a rien à voir. Moi, j'ai entendu dire que Cyber 35 a été siliconé. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu dire que Cyber 35. Attends, n'en fais pas trop non plus, jeune homme. Vas-y, quoi? Trop non plus. Voilà, n'en fais pas trop non plus. Oh putain, n'en fais pas trop non plus. Bon, j'arrête. T'en fais pas trop non plus, jeune homme. T'en fais pas trop non plus, jeune homme. T'en fais pas trop non plus. T'en fais pas trop non plus. T'en fais pas trop. Alors, qu'est-ce que tu disais, Olivier, Philippe? J'ai entendu dire que Cyber 35 avait été siliconé, mais je sais pas si c'est vrai. Non, je sais pas. Oui, il est vrai que c'est possible. J'ai travaillé dessus. J'ai voulu grossir un petit peu. À un moment donné, on peut siliconer par exemple, un prix de CD où on augmente le prix. Vous allô êtes d'accord? Allô, Chouette. Oui. Il va te voir. Bah, il reviendra tout à l'heure. Mais alors... comme tu viens me voir, je veux voir ta chouette. Ouais. Bon, alors... Ah, il va te voir. Vous allez... Ouais, il va se calmer, l'escar, là, 2 minutes, là. Oh. Vous allez réfléchir à la prochaine question. Est-ce qu'on peut siliconer un sapin de Noël? On va mettre les lutins géants, mais moi un doigt dans le fion. Vous réfléchissez à la question. Et on écoute quoi? Et vous réfléchissez à la question et on va écouter tout de suite. Je me fais enculer dans la cabine par suce-moi le gland. Non, c'est rare. On met le disque. No one. toi qui viens de rejoindre le Star System, tu crois que personne ne t'a vu? Bienvenue à la maison. Mind for a different view. jeudi sur Fun Radio dans le Star System. Les débats de Gérard. Gérard qui n'est plus là exceptionnellement ce soir ou peut-être définitivement. Très aigri Gérard, nous avons donc décidé de l'enlever de l'antenne ce soir puisqu'il avait envie d'abréger les débats, de finir à 2h30 comme on lui avait demandé. Il a dit que ça ne le gênait pas. Et puis bon, alors, parle devant ton micro Gérard. Et comme il était malheureusement un petit peu parano, il entendait plein de choses. Je pense que là il a besoin de vacances. Il avait réclamé 3 semaines. Je pense que en tous les cas 15 jours lui feront le plus grand bien. On revient quand même au 0870 5000 avec toujours Rigaud qui est au standard avec Manu si vous voulez les appeler au 0803 08 5000. Un débat quand même sur le Cinécone qu'on va faire quand même. On a pour ça Lisa, Arnette, Tony, également Delphine, Stéphane et Nadia. Vous êtes tous là? Il y a Bob en plus. Ouais, affirmatif, on est tous là. Il y a Bob également? Ouais, d'accord. Salut tout le monde. Salut, ouais, Bob. Salut les stars. Alors, la question était la suivante. Est-ce qu'on peut siliconer un sapin de Noël? Alors Lisa, je t'écoute. Ouais, bah mon petit chéri Gérard. Pour moi, c'est pas Gérard, c'est Max. Hein. Non, je rigole. Je sais bien. Bon, non, c'est pas possible. Hein. Moi, j'en reviens toujours aux données scientifiques. Hein. Le silicone, c'est une matière qui ne s'applique qu'à des tissus humains. D'accord. Ok, la comique. Arnette ? Ouais, bah non, c'est impossible. Parce que j'ai essayé et c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible ? Parce que j'ai essayé. Comme par hasard. Tony ? C'est une question à laquelle je te répondrai pas. Et pourquoi ? Parce que c'est trop personnel. Bon. C'est quoi cette mouche ? C'est quoi cette mouche ? Non mais attends. Ah mais ça, j'ai gardé le casque à Gérard, c'est pour ça. Attends, je vais enlever le casque. Elle est coulée. Elle s'en va. Dès que je remets le casque. Ah ouais d'accord, ok. Donc ça se balade dans mon casque l'été parce que c'est l'odeur des casques. On va peut-être changer de casque. C'est peut-être pour ça. C'est une oreille qui vient de tomber quand même. Ah c'est une oreille qui vient. Les mouches à merde, je sais pas ce qui se passe. Delphine. Ouais. Est-ce qu'on peut siliconer un sapin de Noël? Oh, je crois pas. Hein. Mais si tu veux, si tu me reprends en antenne, je pourrais te siliconer le corps avec mes seins. Delphine, ouais. Delphine, tu quittes pas, je te reprends en antenne. On remet un disque. Delphine à la radio. Je te donnerai mon numéro de tatou, mon numéro de portable et mon numéro de cabine. J'allais te le demander. Il y a GG sur Minitel qui dit qu'il a siliconé un sapin. Delphine, t'appelles d'où? D'Aix-en-Provence. D'accord, ok, bon bah, comme par hasard, moi je prends que des pieds de Paris. Désolé. Stéphane. Ouais. Est-ce qu'on peut siliconer un sapin de Noël? Bah écoute, ça fait 5 minutes que je réfléchis à ta question. Stéphane, tu te réveilles? Je la trouve complètement débile ta question. Pourquoi? Bon, eh ben tu dégages, si t'es pas content, c'est pareil. Allez, bonne nuit. Allez, bonne nuit. Nadia. Ouais. Oui. Ouais, bah je sais pas, on peut peut-être siliconer les boules. Bon, tu te réveilles? Oh, je suis réveillée. Bon, et Bob? Écoute, a priori, moi je te dirais oui. Pourquoi? Oui, bah moi qui habite dans les Vosges, j'ai un certain. Ok, si tu veux pas répondre. Question suivante, est-ce que les vacances de ski ou les vacances de la mer peuvent être siliconées? La mer, c'est terrible, mais c'est des Est-ce qu'on peut siliconner les vacances d'ici ou les vacances de mer? C'est pas ta question, Gérard. Si, c'est la question. Par-dessous. Pardon? Par-dessous, on peut siliconner les skis, c'est bon. Hop. Donc, d'après vous, c'est faisable? Non, c'est pas possible. Parlez bien devant votre combinaison, on vous entend pas toujours très bien. Hein. Bon, tu prends un ski, bon, tu mets du silicone en dessous, il y a des ronds, hein, c'est parti. Hein. C'est parti? Ah bah ouais, direct. Bon. Et silicone la mère de qui? Hein? Silicone la mère de qui? Comment ça la mère? Ben la mère abrutie, va. La mère où tu te baignes, où tu te laves. Eh Gérard, il a insulté ta mère, le voyou. Quoi? Tu rigoles ou quoi? Alors c'est un truc, j'ai entendu un truc qui m'a pas fait plaisir. Hein. Alors moi je vais te dire un truc Max, s'il y a bien une chose que je ferais pas, c'est bien ça, tu vois. De quoi? Parce que t'es mon héros. Ouais, et alors? Bah alors, t'as vu ce qu'il a dit? Il a dit que j'ai insulté ta mère, hein, certainement pas, bon, tu vois. Bon, d'accord, parce oui, que... Donc la mère, oui, on peut effectuer un siliconage. Oui, pourquoi? Parce qu'elle est bleue. Ok Michel. Ok, je vois pas le rapport, bon. Est-ce que Gérard est encore là? Non. Il est parti Gérard. Bon, alors Bob ou Nadia, est-ce que vous pouvez répondre à la question? Nadia. Oui, bien sûr. Nadia, je t'écoute. Non, je crois pas qu'on puisse. Hein. Oh Nadia, tu te réveilles? Oh, c'est bon. Bon Nadia, je t'écoute. J'écoute. Oui, bah je crois pas qu'on puisse. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux siliconer la mer? Siliconer les bouées peut-être, je sais pas. Pff, abruti. Ouais. Non mais sérieux, je voudrais dire un truc. Abruti. Bob. Bob. Ouais, non mais sérieux, est-ce qu'on peut siliconer d'après toi le ski, les vacances de ski ou la mer? Oui, il te dit par en dessous, des dougons. C'est vrai. Bah bien sûr, les bâtons, toi aussi, c'est facile. Très bien, contre, attention. Et toi, Gérard, t'en penses quoi? Hein? Et toi, t'en penses quoi? Bah, moi, je dis que non. Parce que les vacances, ça n'a rien à voir avec le silicone. Mais Gérard, voilà. Tu pourrais nous expliquer ce que c'est que le silicone? Quoi? Tu pourrais nous expliquer ce que c'est que le silicone? Bah, ça c'est une question que je te répondrai pas de manière parce que j'ai pas envie d'en parler, c'est tout. C'est bon. C'est ça, rappelle des mauvais souvenirs. Mais c'est quoi le silicone? Hein? C'est quoi? Bah, le silicone. Comment c'est fait le silicone? Pardon? Comment c'est fait le silicone? Ça s'écrit comment? Ouais, ça s'écrit comment? Comme ça se prononce. Alors, silicone, comment ça se prononce? S-Y-2-L-I. Et cône, bah, comme ça se prononce, K-O, à point de un chapeau, deux N-E. Voilà. Ouais, tu rajoutes le H, s'il te plaît. Où ça? Bah, devant le S. Oui, monsieur, je sais tout, bien entendu. Et Gérard, est-ce que Christine était une silicone? Bon, alors, celui qui parle de Christine, tu le dégages, Manu. Allez, bonne nuit. Il est parti. Bonne nuit. Je voulais te poser une question, s'il te plaît. Je t'écoute, mon bébé violet. Je voulais te demander, sérieux, est-ce que tu as ta case en vide, là? J'entends rien. Combien t'as de case de vide, là? De quoi? Combien t'as de case de vide? Combien j'ai de cases de vide? Est-ce que t'as des neurones, sérieux? Ça serait trop long à compter. Les neurones, ça serait trop vite à te répondre. Est-ce qu'on peut les siliconer? Justement, sur Minitel, il y a Little qui dit qu'il faudrait siliconer la boîte crânienne de Gérard. Ah, bon, bah, alors, que... on va y répondre après sur les questions Minitel, j'y répondrai pas. Ouais. Alors, est-ce que les nuages est une forme de silicone? Ouais, ça dépend si tu veux. Moi, je peux répondre, moi. Non mais elles sont super les questions. Elles sont top les questions. Gérard. Bon Tony, Arnette, vous la fermez. Gérard. Tony, Arnette, vous la fermez. Laisse-moi parler ta minute. Bon alors Delphine, je t'écoute. Est-ce que les nuages sont une forme de silicone? Ça dépend, les cumulonimbus oui, mais pas les autres. Attention. Bon, j'ai dit que pas d'insultes. Alors c'est pas cumulonimbus. Bonne nuit Delphine, bonne nuit. Et c'est bonne pas la peine que tu changes de voix. Ta gueule, Arnette, je t'ai rien demandé. Tobob. Ça dépend de la forme des nuages. Comme par hasard. Lisa. Ouais, donc, moi je disais, ouais, voilà, exactement, ça dépend de la forme des nuages, quoi. C'est-à-dire? Bah, réfléchis un peu. Hein? Qu'est-ce que tu me demandes, là? Eh ben, toi. Rêve. C'est une question que je peux pas comprendre. D'accord. Bon. Bonsoir, c'est Johanna. Bon, Filard. Gérard. Bon, tu dis à Cyril là qui dégage avec sa caméra. Ouais, bah il est plus là déjà, Gérard. Tu ouais, bah il est peut-être pas dans le studio, mais tu lui dis qu'il dégage quand même. Mais il est parti, il est chez lui là. Ouais, bah tu lui dis de revenir, je veux qu'il me filme avec sa caméra. Ok, je l'appelle. Alors tu lui dis de venir et qu'il vienne m'emmerder un peu là. Tu l'appelles sur mon tatou et tu lui dis qu'il se pointe. Ok. Bon, question suivante. Tout le monde a répondu? Non, pas toi. Qui n'a pas répondu? Tony, qui a pas répondu, mais je préfère pas répondre. Qui a dit ça? Eh ben, si t'es pas content, mon pote, tu dégages. Allez hop, bonne nuit. Bon, Tony, tu te réveilles, Manu? Ça y est. J'en ai ras-le-bol, c'est toujours les mêmes. On prend ton débat, Gérard. Arnette, je t'écoute. Ouais, bah, les fleurs sont belles, la souris vole. Ouais, d'accord, ok, c'est bon, allez hop. Qui n'a pas répondu? Nadia, je t'écoute. Je crois pas. Je crois pas quoi? Je crois pas qu'on puisse silicoler les nuages. C'est-à-dire? Je crois pas qu'on puisse. Pourquoi? Parce qu'ils sont trop gros. Qu'est-ce qu'ils sont gros? Alors moi je vais te dire, les seins de Christine, ils étaient aussi gros que des nuages et on aurait pu les siliconer. Hein. Ah bon, ouais. Ok, d'accord. Sur Minitel, il y a Klaus qui dit que t'es génial. Moi à 3h j'arrête. Qui dit que t'es génial, Gérard. Et tout le monde, moi à 3h j'arrête. C'est clair et net. Est-ce qu'on peut siliconer les cotons-tiges? Quoi? Est-ce qu'on peut siliconer les cotons-tiges? Non mais attends. Klaus qui te demande ça. Gérard. Bon, de toute façon, la question Minitel, j'en ai rien à foutre. Gérard, je voudrais savoir un truc. Ouais. C'est vrai que tu faisais des cunilingus à Françoise avec des cotons-tiges silicone. Et alors? C'était juste pour savoir. Bah ouais, et alors? Bah c'est pour savoir si c'est vrai ou pas. Bah ouais, c'est vrai, et alors? Ah bah voilà. Bah voilà. Alors, et Gérard, j'aimerais savoir si c'est vrai que t'en as marre des cotons-tiges et des paramines et que maintenant tu te mets au poteau de rugby directement. Ça c'est possible, mais pour le moment j'ai pas l'anus assez large pour pouvoir me mettre, mais dès que je pourrais, ouais. Ok. Question suivante. Est-ce qu'on peut faire des rimes avec le mot silicone? Ouais. Alors, J'attends des rimes, Arnett. Silicone, bone. Nul. Tony. Cône. D'accord, c'est nul. Delphine. Silicone, que t'es cône. D'accord, Stéphane. Ouais, silicone, t'as qu'à la larguer. C'est pas mal ça. D'accord, ok, très bien, Nadia. Silicone, neurone. Silicone, neurone, Bob. Bob, bon, bonne bon. Nuit, Lisa. Silicone, allez, bonne... Non, bonne nuit, Bob, Lisa. Silicone, cône. D'accord, Olivier. Non, j'en ai pas, moi. D'accord, ok, donc, voilà. Silicone, tête de nonne. Hein? Silicone, paix de nonne. D'accord. Alors, question suivante. Pas de politique. Question suivante. Qui sait que... comment ça, pas de polémique? Le pont d'Alma. Bon, Gérard, alors là, j'ai dit qu'on voulait pas qu'on parle de ça. Bon, alors, c'est clair et net. C'est un ultimatum. Ça va aller vite. C'est clair et net. Ça va aller vite. C'est pas assez violent, hein, Gérard. C'est clair et net. C'est clair et net. Ça va aller vite. Le premier que j'entends parler de Christine du pont de l'Alma ou de Diana. Christine, pont de l'Alma, j'arrête et Diana. Tout. Bon, alors tu dégages. J'arrête. Tout. Bon, alors tu dégages. J'arrête. Tout. Bon, alors tu dégages. J'arrête. Tout. Bon, alors tu dégages. J'arrête. Tout. Bon, alors tu dégages. J'arrête. Bon, question suivante, à vrai on met un disque. Est-ce qu'on peut adopter du silicone? Alors, ah, écoute, alors qui veut répondre? Ouais, moi, Stéphane. Bah vas-y, grande gueule, puisque t'es si grande gueule, vas-y. Bah ouais, tu peux adopter du silicone. Bon, alors lui, il y a quelqu'un derrière. Hey. Lui, il y a quelqu'un derrière. Il y a quelqu'un derrière. J'ai le droit quand même, j'ai le droit d'être parano. Je te dis qu'il y a quelqu'un derrière toi, il y a quelqu'un derrière toi. C'est un habitué. Bon, ok. C'est un habituel, c'est un habituel, c'est reconnu. Il y a quelqu'un derrière toi? Ah, ouais, je suis pédé. Bon. Bon, non, alors, bon, Manu. Bon, alors, hé, bon, réponds à ta question quand même. Est-ce qu'on peut adopter du silicone? Oui, Stéphanie, je te dis oui. Stéphanie, vas-y. Non, c'était pas Stéphanie, Stéphane, s'il te plaît. Vas-y, Stéphane. Bah ouais, affirmatif, si ta meuf elle est siliconée, faut bien que tu l'adoptes. Ok, Michel. Bon, d'accord. Moi, je réponds. Vas-y. Ouais, c'est Lisa. C'est qui là? C'est Lisa. Ouais, toi, je te reprends en antenne, toi. Ouais, ouais, non, mais je vais faire des courses. Hein. Ouais, vas-y, faut que je te donne mon numéro de portable de tatou et de cabine. Eh, à propos de tatou, on devrait écouter la messagerie. Ouais, on va le faire tout à l'heure. Alors, vas-y. Donc je réponds, mais en ce moment, je dois faire mes courses, donc je peux pas te prendre après. Hein, hein? Ouais, comme par hasard, ouais, comme par hasard. Bon, là, comme... Bon, quand même. Bon, alors, est-ce qu'on peut adopter du silicone? Oui, je pense que des couples peuvent adopter du silicone. Les couples peuvent adopter, c'est-à-dire? Ouais. Bah, je sais pas, les couples vierges, les couples mariés. Mais les couples à deux ou tout seul? Les deux seins, c'est ça? Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Les deux couilles, tout ça, quoi. Ouais. Tout ce qui est en double. Ouais. Tony? T'estraño, te amo, te olvido de nuevo. Por ti, por ti. C'est quoi ça? Por ti. Bon, Arnett? L'araignée a pété. Plus moyen de respirer. C'est ta sœur, Arnett? Ouais, c'est ta mère. C'est ton petit frère? Ouais, non, non, je déconne, c'est pas mon petit frère. Vas-y, remets ça, rebalance. Ok. Vas-y. Attends, c'est un foiré, je te fais péter. Hop, voilà. Il y a Klaus sur Minitel qui pense qu'on peut adopter du silicone. La reine a pété, plus moyen de respirer. Dans sa taille, elle avale. Des milliers de femmes à poil prendant, car l'araignée est là. Voilà. C'est qui, Arnett? Bah, c'est un son. Hein? C'est un son que j'ai chopé quelque part, quoi. Ah, d'accord. Et ça, tu connais, écoute. Ouais, salut Gérard, bah, c'est Arnett, bah, je te dis à soir. Attends, il faut écouter parce qu'il y a la suite, écoutez. Ouais, salut Gérard, bah, c'est Arnett, bah, je te dis à soir. Oh là là là. Ouais, salut Gérard, c'est Tony, donc ce soir, je serai dans le débat, il faut que tu me trouves où je suis. Et puis, je voudrais dire quelque chose. Et après, c'est quoi la suite de la chanson, Tony? Et pourquoi tu chantes ça? C'est beau. Je sais pas, parce que c'est le slow de Ricky Martin, et comme il aime bien. Ah, d'accord, bah ok, oui. Très bien. Donc, on va faire la suite du débat sur les silicones. Et moi? Et c'est qui? Bah, oh, t'oublies la moitié, là. C'est qui encore? Alors, Delphine. Qui alors, Delphine, est-ce qu'on peut adopter du silicone? Oui, tout à fait. Je trouve que c'est dégueulasse d'abandonner son silicone sur le bord de l'autoroute. Oui, donc toi, s'il y a quelqu'un demain qui va se faire enlever, qui va se faire avorter des seins, s'il pose son silicone sur la route, comment on peut abandonner des chiens sur le bord de la route? Et en plus, ça peut être dangereux, on peut glisser dessus. Pardon? En plus, ça peut être dangereux, on peut glisser dessus. Oui, en plus, on peut glisser dessus, ouais. Donc, toi, tu penses qu'il faut continuer, il faut le garder à partir non, du moment. Oui, tout à fait. D'accord. Une fois qu'on l'a, on le garde. Une fois qu'on l'a, on le garde. Qui n'a pas répondu encore? Bob. Bah écoute, ça tombe bien que tu poses la question parce que moi-même, j'ai adopté du silicone en 94. Ouais. En 94 et 95, du silicone de Suresnes. Et je ne conseille à personne de faire la même erreur que moi. D'accord. Et Nadia? Ouais, je pense qu'on peut en adopter, hein. D'accord. Faut voir avec pourquoi la DAS. Pourquoi Bah, faut voir avec la DAS, je pense que c'est possible. Avec la DAS? Ouais. Alors bon. Alors là. Alors on parle pas. J'ai dit qu'on parlait pas de la DAS. D'accord? Ok. Faut une laisse pour le. On parlait pas de la DAS, je l'ai déjà dit. Ok. GG? Oui. Je voulais te demander, est-ce que t'as déjà vu du silicone? Est-ce que t'en as déjà vu? Bah, bien sûr, j'en mange. C'est ce que je mange. Non, sérieux. Bien sûr, j'ai déjà vu du silicone. Ça se mange, c'est comme de la gélatine. Ouais, ah, t'es dégueulasse. Et alors? C'est hyper bon. Bon, de toute façon, Lisa, Delphine et Nadia, vous ne raccrochez pas. Je vais vous donner mon numéro de tatou, mon portable et mon numéro de cabine. Non, les filles, c'est des habituels, hein, faut les virer. Ah non. C'est déshabituel. De toute façon, j'ai enlevé ma carte de portable, donc on peut plus m'appeler. Donc, non, mais attends, si j'ai pas envie de te parler, Gérard. Si, eh ben, je suis désolé, c'est obligé. Je n'ai pas le numéro sur lequel t'appeler. Bon, vous ne bougez pas, on revient dans 5 minutes, 4 minutes, on met un disque et on finira le débat sur le silicone, d'accord? Mais c'est quoi le disque? Quoi? Est-ce qu'on peut écouter les sadomaso? Et c'est quoi la prochaine question? Je me fais enculer par les sadomaso et on écoute ça tout de suite sur Fun Radio. Et c'est quoi ta prochaine question? Ça, c'est une question que je te répondrai pas. Sur Fun Radio, toujours la radio libre de la nuit, avec les débats de Gérard qui ont été un petit peu abrégés, vu l'aigreur de monsieur qui souhaitait arrêter à 2h, 2h30. Et bah écoutez, on a mis en action ce qu'il nous a demandé pour lui faire plaisir. Donc voilà, on continue le débat sur le silicone, toujours avec Lisa. Oui, Gérard. Arnette, Tony, non, c'est Max, moi. Arnette, Tony. Ouais, j'ai Max. Delphine. Oui. Stéphane. I'm ready. Nadia. Oui, Max. Caramel. Ouais, c'est quoi cette voix d'hétéro que tu me fais, là? Et également, alors je sais pas comment il faut prononcer, Adidas, Asdedi, Didadadas, Adidas. Non, Adidas, t'as tout faux, mon grand. C'est Das, et mon prénom, c'est Eddy. Alors, d'accord. Edidas. Edidas. Il fait rien. Bon, je connais un qui ça va pas faire plaisir. Alors, j'ai trois questions. Vas-y, pose. Alors, est-ce que le silicone vit la nuit? Oh là là. Il y en a une qui est morte de rire à chaque fois. Ah bah non mais les questions elles sont géniales quoi. Non, alors Lisa, est-ce que le silicone vit la nuit? Ouais. Pourquoi? Est-ce que t'as déjà vu du silicone la nuit? Ouais, j'en ai vu dans les rues promener. Ouais mais ça existe hein. Pourquoi? Bah parce que c'est comment dire? Parce que la journée ils font. Attends, je t'ai rien demandé toi, ouais, pour le moment là, tu la fermes. Une voix d'hétéro. Tu la fermes pour l'instant. Non. Caramel. Ouais, Caramel. Bon. Big up. Bon, alors Arnette. Ouais, bah alors, moi je suis pas d'accord, parce que ça vit que le jour le silicone. Bah pourquoi? Parce que. Non, mais attends, le silicone, ça vit la nuit, je suis désolé. Hein. Non, ça vit pas la nuit, ça vit pas. Ah bon, alors pourquoi ça vit le jour et pas la nuit? Pourquoi? Parce que bah, la nuit ça dort déjà. Non, bah pas du tout, ça vit la nuit. Non, ça rentre dans le coma la nuit. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Bon, c'est Arnette. La nature qui veut ça, voilà. Arnette. Ouais. Déjà, je t'ai reconnu. Pour commencer. Pas possible. Arnette, je t'ai reconnu, t'es Francis. Avec une voix de René. Non, c'est pas moi. Je t'ai reconnu. C'est pas moi. Tony. Oui. Je t'ai reconnu. Ouais. T'es Jean-Daniel. Exact. Bon. Oh, l'Ascar, il est fort quand même. Delphine, je t'ai reconnu, t'es pas inhabitué. On s'est fait griller direct. Je t'ai déjà dit, Manu, que je veux que des habitués. Ah, t'as oublié Jean-Luc. Tony, pourquoi est-ce que le silicone vit la nuit? Ah ça je sais pas, mais par contre j'ai une blague. Alors quelle est la différence entre une... Non, bon tu me le coupes. Bon, Olivier, tu joues à quoi là? Mais j'ai rien fait. Tu joues à quoi j'ai là? Avec ce double son là. J'ai rien fait. Bon, alors Tony, ta blague. C'est quelle est la différence entre une pute? Et c'est quoi la réponse? C'est tout. D'accord, quelle est la différence entre un pigeon? D'accord. Pourquoi Delphine, tu piques mes blagues? Delphine. Bon, il y a un double son là. Ouais, ça me fait pas plaisir. J'entends deux voix dans mon casque, Olivier. Mais j'ai rien fait. Olivier! J'ai rien fait. Non, c'est un problème de satellite. Fildar! Il y a quelqu'un derrière elle. Fildar! Quoi? Il y a deux sons dans mon casque. Eh ben, tu dis à Olivier de gérer et de faire son boulot. Gérard, j'ai demandé à Olivier qu'il arrête. Olivier, t'arrêtes. J'ai rien fait, Fildar. Merci. C'est Gérard qui pète les plombs. Delphine. Max, est-ce que tu fais aussi Gérard dans les baptêmes et les communions? Bon, alors, Tony, bonne nuit. Allez hop, tu me le dégages, je veux plus entendre. Allez, tu dégages. Delphine. Max. Delphine. Oui, le silicone vit la nuit, d'ailleurs, il est phosphorescent. Ça veut dire que la nuit, on le voit. Ouais. C'est clair. Tu me suis, là. Non, pas tout à fait, là, je suis devant toi, là. Et j'ai une blague, quelle est la différence entre un éléphant et un autobus? Je sais pas. L'éléphant est gris. D'accord, ok. Ok, super. Caramel. Ouais, bah, Caramel, il voulait dire qu'il vivait la nuit parce que... Oh, Caramel, tu te réveilles! Parce que la journée, ils sont au boulot, Bon, ok. Yeah. Adidas. Adidas, décorché mon nom, ça va, c'est bon quoi. Adidas. Bon, Adidas. Question, j'étais en train de regarder MCM, je suis désolé. Bon, bah alors si tu regardes la télé, alors bonne nuit, allez, hop, Manu, tu me le dégages, allez, c'est bon. C'est bon, les mecs qui regardent la télé pendant qu'on fait les débats, alors ça intéresse personne parce que sous prétexte que les questions sont débiles, c'est bon. Nadia, je t'écoute. Ouais, moi je pense que le silicone vit la nuit. Bon, les autres, vous la fermez. Nadia, je t'écoute. Oui, le silicone vit la nuit. Le silicone vit la nuit, d'accord. D'accord. Question suivante. J'ai pas répondu, moi. Oui, question quoi voilà, j'ai besoin d'un clown pour mon anniversaire. Je voudrais savoir combien c'est l'allocation de Gérard. 750 francs. Ok, merci. C'est pas cher pour un clown. J'ai pas répondu à ta question. Qui? Stéphane. Oui, bah on s'en fout. Alors, question suivante. Est-ce que le silicone est bilingue? Delphine. Le silicone de Gérard est unilingue. Les autres sont souvent bilingues. Monsieur Gérard ne parle qu'une seule langue. D'accord. Et encore. Stéphane, alors puisque t'es si fort, puisque tu fais la grande gueule, bah réponds, est-ce que le silicone est bilingue? Ouais, mais je veux répondre d'abord à notre question. Bon, alors, si tu veux pas répondre aux questions, tu t'en vas? Bah si, bah justement, je voulais répondre avant, tu m'as envoyé bon, chier. Bon, alors, est-ce que le silicone est bilingue la nuit? Ah bah ça dépend l'âge du silicone. Ouais, c'est-à-dire? Ah bah, si le silicone il est jeune, en fait, bah il sort pas la nuit, quoi. Ouais, comme par hasard. Ouais. Caramel? Caramel, il veut pas y répondre à la question. Bon, bah alors, Caramel, alors bonne nuit, Caramel, si ça t'emmerde. De toute façon, c'est toujours pareil, Caramel. Toujours pareil, au début, les débats, c'est bien, et après, il veut pas répondre aux questions. Adidas. Ça tourne en rond. Ouais, t'as pas l'heure, parce qu'il y a une superbe émission sur MCM. Adidas, tu réponds, Adidas. Et Max, quoi, une bonne blague. Bon, alors, Delphine. Ouais, j'ai est-ce déjà... que. Bon, Lisa. Bah, écoute, oui, moi, je pense qu'il est bilingue. Bon, Lisa, il y a du monde derrière toi. Et Max, non, c'est bon. Lisa, il y a du monde derrière toi. Et Max, c'est Stéphane, j'ai une vanne. Bon, alors... Oh, la radio, s'il vous plaît. Bon, celui qui fait mumuse avec son clavier, il arrête. Bon, là. On le fait bien, Gérard. Marc, on s'en débrouille bien. Tony, je t'écoute. Ouais, j'ai pas trop à répondre, mais par contre, j'aimerais te poser une question. Est-ce que c'est vrai que tu t'es fait enculer avec une lampe torche et que maintenant on t'appelle la Luciole? Bon, alors Tony, allez, Tony. Bon, allez, moi j'arrête. Non, j'ai même pas répondu à la question. J'arrête. Max, j'ai une vanne. Non, j'arrête. Oh j'arrête. Non, mais non, j'arrête. J'ai dit qu'on parlait pas de la loco. Oh. C'est quoi ces voix là? Voilà. J'entends les doubles voix là. C'est voilà. Quoi voilà. Tu joues à quoi là, Olivier? Tu joues à quoi là? Par contre, c'est militaire. Oh là là là là là là là là. Alors, question Minitel. Voilà, Minitel, question il te demande, Gérard, Heinrich qui te demande s'il est vrai qu'en les nuits de pleine lune, tu transformes en silicone, en bâton bon, de silicone. Alors, et tu serais un silocanthrope. Je réponds pas à ces questions, Minitel, j'y réponds pas. Question suivante, après on remettra un disque. Eh hey Max, j'ai une vanne. Vas-y. Ouais, monsieur et madame, Scroot dans ma musette. Ont une fille, comment il l'appelle? Jessica. Ouais, Jessica, ouais, c'est ça. Pourquoi? Jessica Scroot dans ma musette. Bon, ok, d'accord, ok, ouais, c'est bon. D'accord. Moi aussi, j'ai une blague. Monsieur et madame Martin ont un fils. Jacques. Non, ils ont un fils, c'est tout. Je cherche pas plus loin. moi, j'en ai meilleurs. La question suivante, les blagues. Tu reviens sur le débat, Gérard. On revient sur le débat. On revient sur le débat. Vas-y, Gérard. Vas-y. Est-ce que le silicone peut devenir une destination de vacances? Ouais. Oui, bien sûr. Ouais, tout à fait, ouais. Arnette, puisque t'es si fort. Arnette, ouais, ouais, seconde. Est-ce que le silicone peut devenir une destination de vacances, je t'écoute? Bah ouais, côte part, Silicon Valley, tout ça. Ouais, voilà, exactement. Ouais, Delphine. Elle est facile. C'est ce que je voulais dire, il m'a piqué mon idée. Ouais, alors. C'était mon idée. Bah c'était. Bon. C'était notre idée à tous. Lisa. Silicon Valley. Oui, Lisa. Bah ouais, je voulais te demander, bon, je sais pas si tu vas dire Max ou Gérard, mais bon. J'ai Max. Oh, la ferme. Ouais, mais on s'entend plus là. Oui, vas-y Lisa, je t'écoute. Je t'écoute, mon hirondelle orange. Vas-y, ma fausse couche bleue. Bon, la pétasse, elle se calme. Vas-y, mon caca doré. Attends, il y a un truc qui m'a pas fait plaisir. Qui c'est qui a dit la pétasse? Ouais, bah la grand-mère, là, qui est en train de se marrer. Bon, alors Lisa. Ouais, mais écoute, c'est super. Bon, je t'écoute, ma gazelle noire. Oh là là. Non, mais attends, Gérard, je veux te dire un truc, là. Ouais. La grand-mère, là, elle a 60 ans, elle s'est passée pour une nana qui a 20 ans, je suis pas d'accord. Ouais, mais t'es super marrante, Lisa. Bon, ouais, alors, Delphine, je t'écoute. Oui. Mais quelle est ta question? Oh, tu travailles? Ouais, mais Gérard, tu vas pas laisser répondre. Hein. Bon, alors, mon citron orange. Est-ce que t'es déjà allé à Silicon Valley? Est-ce que Silicon peut devenir une destination de vacances, oui ou non? Oui, la peine Silicon. Pourquoi? Bah parce qu'il y a plein de choses à visiter. Ouais, c'est-à-dire? Du Silicon. L'informatique. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, quoi d'autre? Tennibar. Caramel, je t'écoute. Bah, quand t'as du fric. Caramel, tu te réveilles, tu parles devant ton combiné, tu te réveilles. Ouais, non, mais quand t'as du fric, tu peux partir en vacances, y'a pas de problème. Quel est le rapport? Bah, et alors? Vous pourriez me poser Manu, je voudrais changer de prénom. Caramel, je vois pas le rapport. Bon, bah, alors toi, tu dégages et tu changes de prénom et tu reviens. Caramel, je t'écoute. Ouais, non, mais entre quoi et quoi? Et Caramel, je bon, Caramel, t'arrêtes de me prendre pour un con. Non, mais depuis tout à l'heure. Donc, on accueille Jean-Luc à la place d'Arnett. Ouais, Jean-Luc. C'est la même chose. Ouais, salut tout le monde. Jean-Luc. Ouais, je voulais dire à Caramel qui nous avait pas du tout manqué. Jean-Luc. Ouais, salut tout le monde. Tu réponds à la question, s'il te plaît. Ouais, bah, je voudrais dire que c'est bien de voyager en silicone. Caramel, je t'écoute. Ouais, bah, je suis d'accord avec Jean-Luc. Comme par hasard. Adidas. Tu peux répéter la question? Bon, alors non, alors on répète pas la question. Si t'es sourd, tu préfères regarder MCM, alors tu regardes MCM et tu nous emmerdes pas. Il y a un truc sympa en ce moment d'ailleurs, c'est un débat avec un mec qui se prend pour un autre, c'est excellent. Ouais, bon, alors. C'est Fun TV, merde, je me suis trompé. Bon, allez, bonne nuit à lui, bonne nuit. Oui, Olivier. Sur Minitel, il y a Toté qui dit, Gérard, que toi, ta destination de vacances, c'est te déguiser en distributeur de coton-tige à la loco. J'ai dit, bon, je répondrai pas à la question. Villard. Gérard, c'est Jean-Luc, ouais. Qui est appareil. Villard. Ouais. Tu travailles, s'il te plaît, merci. Villard. Bon, bah, c'est tout, tu travailles. Gérard. Villard. Ouais, je suis là. Est-ce que le silicone. Ah non, merde. Est-ce que. Villard. Ouais, je suis là. Est-ce que le silicone peut vivre la nuit? Ça dépend s'il a pris des somnifères. Bon, ok, d'accord. On va mettre. Gérard. Oui. Ouais, je voulais savoir, c'est vrai que dans ta jeunesse, tu ressembles à Brad Pitt? Bon, alors tu mets un disque. Allez, pas d'insulte. Bon, on met un disque, on se retrouve juste après. Juste un disque et j'ai encore 4 questions et après ça sera terminé. Gérard, j'ai une petite question avant. Non, bonne nuit. Ok, Bonne nuit. Allez hop. Bon, Caramel, il peut rester. Non. C'est les brimés, le titre. Fun Radio. Ouais, Caramel, t'assures pas un cachou, hein. Bah, tu vas te faire enculer, toi, tiens. le son. Bon, et c'était les Breeders à l'instant sur Fun Radio. Olivier, le son, s'il te plaît, Olivier. Bon, allez, j'arrête. Bon, on revient sur le débat sur le silicone Fun Radio avec Lisa, Arnett, Tony, Delphine, Stéphane, Nadia, Caramel, Adidas. Vous êtes tous là, Bob aussi. Allô. Vous êtes là. Oui. Il y a bien Arnett. Allô. Allô. Allô. On t'entend pas là, Gérard. Allô. Ah, Gérard, je crois que c'est un problème de micro, faut que tu le retournes. Allô, allô. Je crois qu'on t'entend mal. Faut que tu. Allô, retourne ton micro. Allô. Allô. On a l'antenne. Putain, c'est quoi ce bordel? Allô? Allô? Oh là là là là là là là là là là! On n'entend rien! Filda! Filda! Quoi? Bon, Filda! Moi, tu sais ce qu'il aime, Max! Moi, j'arrête! Non, Gérard! Gérard, faut que tu prennes ton micro à l'envers! J'arrête! Allô, mais c'est bon! Est-ce qu'on m'entend, moi? De toute façon, c'est toujours le même bordel, à la fin, ça devient toujours n'importe quoi, c'est n'importe quoi! C'est n'importe quoi! Ah, vous êtes là! Bon, alors question suivante, est-ce que le silicone peut devenir cul-de-jatte? Eddy. Alors, il a la on répond, allez, hop, Caramel, allez. Allô. Caramel. Allô. Bon, alors, Arnett. Mais je comprends pas, là. Est-ce que c'est bien, Alien 4? Bon, alors, bon, c'est quoi ce bordel? Ah, je sais pas du tout. Tu joues à quoi, là, Olivier? Qu'est-ce qu'il se passe? Bon, est-ce que le silicone peut devenir cul-de-jatte? Ça veut dire quoi, cul-de-jatte, Gérard? Bon, allez, hop, question suivante. Est-ce que le silicone peut devenir président de la République? Allez. Bah, il est élu par la majorité. Alors, Gérard, tu reprends la question d'avant, t'as pas répondu. Est-ce que le silicone peut devenir cul-de-jatte, Lisa? Mais ça veut dire quoi, cul-de-jatte? Je sais pas, Gérard, ça veut dire. Pas de jambe. N'importe, bon, n'importe quoi. Arnett? Ouais, je te demandais si c'était bien Alien 4. Bon, alors je sais pas, j'ai pas regardé ce matin. Tony? Moi je pense que le silicone peut être président de la République parce que. Non, alors là c'est la question. C'est pas la question. Parce que Max m'a dit cet après-midi qu'il y avait un. Je répète la question. Oui. Est-ce que le silicone est cul-de-jatte ou peut devenir cul-de-jatte? Oui. Ah, j'attends une réponse. Oui. Pourquoi? Delphine, pourquoi? Oui, un président peut devenir cul-de-jatte. Non, bon alors. Alors, bonne nuit. Nadia? Non, je crois pas. Hein. Pourquoi? Le silicone n'a pas de jambes. De toute manière, on s'en fout. Caramel? J'ai pas l'âge de voter. Pardon? J'ai pas l'âge de voter. C'est-à-dire? J'ai en dessous de 18 ans. Hein? Bien. Quoi? Peur? J'entends pas. C'est normal. Bon, Adidas? Ouais, bah moi je pense que les araignées... Alors c'est... comme par hasard, tout à l'heure on l'appelle Adidas, il dit que c'est Edidas et maintenant il s'appelle Adidas. Alors ouais, lui, bonne nuit, c'est un habitué, c'est David ou Luigi, c'est bon, bonne nuit. Allez hop. Oh Olivier, venu. Gérard, moi j'ai une question sur Minitel. Oui, non, alors le Minitel, j'en ai rien à foutre. Est-ce que le silicone peut entraîner les bleus pour France 98? Alors ça, c'est une question que je te répondrai pas. Alors question suivante, est-ce que le silicone peut devenir président de la République? Sur la majorité. Nadia? Ouais, moi je pense que... Bon, alors t'arrêtes de jouer avec ton téléphone, s'il te plaît, moi Caramel. Ouais, bah s'il est élu par la majorité, comme je dis depuis... Mais je ne joue pas. Pourquoi pas? Comment ça, s'il est interrogé par l'allégrité? Ça dépend, c'est tout à... Pourquoi pas? Bon, allô. Oh là là là là là là là. Gérard, Arnett, c'est pas bien. Arnett. Bah moi je veux pas me faire couper ma voix et passer pour un con. Ouais, tout à fait. Bon, ouais, Tony. Ouais, bah je veux dire que je pense que le silicone peut être président de... Olivier, t'arrêtes s'il te plaît. Parce que Max m'a dit cet après-midi qu'il y avait un Mongolien à la présidence de Fun. Que quoi? Il y avait un Mongolien à la présidence de Fun. Donc bon, alors, Max, tu viens s'il te plaît. Max. Max. Ouais. Max. Ouais. Max. Max. Ouais. Ouais, j'arrive. Ouais, il paraît que t'as dit que... Quoi? Non, j'ai rien dit, moi. Bon, alors... Il invente, c'est un habituel. C'est un habituel, de toute façon, je l'ai reconnu. Arnett et Tony, je vous ai reconnu, vous êtes des habituels. Non, non, pas du tout. C'est la première fois que j'appelle. Ça va gerber. Non, j'appelle de Castres. Si, si, vous êtes tout le temps. J'appelle de Nantes et c'est la première fois que j'appelle. Ouais, comme par hasard. Tu crois que je t'ai pas reconnu ta voix, qu'après tu changes ta voix et que t'es avec Manu, que vous échangez des noms et qu'un coup tu t'appelles. Hein, tu crois que je t'ai pas reconnu? C'est de la folie de vous avoir ça. Bon, Manu, t'es pas obligé de parler à Olivier pour lui dire des trucs dans le casque. Mais c'est vrai, pardon. Bon, alors. Bon. Ouais, tout... je réponds. Qui veut répondre? Lisa. Ouais. Alors, est-ce que Lisa, est-ce que le silicone peut devenir président de la République? Bah oui, ouais, si il est élu au suffrage universel, y a pas de problème. Ouais. Ouais, merci pour la scène. Bon, tout le monde est pareil là. Gérard. Oui. Moi, je vais te demander ce que tu penses que. Bon, la radio. Oh là là là là là là là là. La radio derrière. Bon, alors. Je te téléphone. Je vous préviens tout de suite. Si vous continuez comme ça, il n'y aura pas de remix. Ah, on va être privé. J'avais envie de mettre un remix. Ultimatum, Gérard, ultimatum. Le premier débat, c'était bien passé. Le deuxième débat, c'est n'importe quoi. Ok, ça, je le prendrai pour le résumé. Question suivante. Les poèmes de GG. Les poèmes de GG. Les poèmes de GG. Les poèmes de GG. J'arrête. Non, j'arrête. Il a des Kleenex, il a des Kleenex, il a des coton-tige. Bon, il a des alors... maramides, il a des poteaux de rugby. Allez, Manu, tu me dégages tout ça. Allez, bonne nuit. J'avais dit qu'on n'en parlait plus. Question suivante. Est-ce que le silicone reste logique à la perte du dollar? Allez, on répond. C'est quoi? Nadia. C'est pas toi qui les écris, les questions, Gérard. Un peu comme par hasard, bien sûr. Nadia. Mais Nadia. Tu m'as dit de les dégager, Gérard. Bon, alors... Alors, bonne nuit. Allez, c'est terminé pour ce soir. Allez, terminé. Non, c'est bon. J'arrête. Qui c'est qui met la musique? Bon, alors, on répond à la question. C'est quoi ta question? C'est quoi la question? Est-ce que le silicone reste logique à la perte du dollar? Ouais, je réponds. Lisa, je t'écoute. Ouais, ben, ça dépend du... Bon, qui c'est qui rigole? Oh! Vous vous la calmez! Oh! Oh, 6 minutes! Bon, alors, Caramel. Bon, c'est Caramel qui rigole. Alors, Caramel. Allez, Caramel, bonne nuit, Caramel. Adidas. Adidas. Hein? Adidas. Il est là, lui, il est revenu, Manu, bien sûr, Manu. J'avais demandé de le dégager, j'ai voulu le tester, comme par hasard, il est là, j'avais demandé. Tony. Oui. Voilà, c'est un habituel, comme d'habitude. Arnette, comme par hasard, il répond pas. Lisa. Ouais, mais moi, comme je t'ai dit, hein, ça dépend de la fluctuation du dollar, du yen. N'importe quoi. Bah, si, ça dépend des cours du silicone. Hein. Non, toi, je t'ai rien demandé, alors pour l'instant, tu la fermes. Bah, tu me demandes jamais rien, alors. Ouais, bah, pour l'instant, tu la fermes, Delphine. Ouais, le silicone américain reste logique. Non, j'ai demandé. L'euro, non. Ouais, mais tu te la pètes, là, ou quoi, Gérard, là? Tu nous laisses pas t'en répondre. Gérard, un message de Lydia. Lydia, je t'aime à la folie, Gérard. T'es mon ange. Eh ben, tu laisses ton numéro de téléphone. Elle a laissé son numéro de téléphone. Eh ben, on va le rappeler. Voilà, alors, tu laisses ton numéro de téléphone, Manu. Tu rappelles. Il n'y a plus de ligne. Et je vais lui donner mon numéro de tatou, mon numéro de portail, mon numéro de capine. Gérard, je dois te poser une question. Si, il y a une ligne, Caramel, il a raccroché. Dida, c'est pareil. Tu me prends le numéro de téléphone de la fille sur Minitel, on va te rappeler. Gérard, oui. J'ai une question. Vas-y. Je voudrais savoir si c'est vrai que tu vas avoir un procès par Kleenex parce qu'ils t'ont grillé avec une caméra en train de voler une tonne de coton-tige. Bon, alors là aussi, bonne nuit tout le monde, bonne nuit. Allez, hop, tu me rappelles la nana sur Minitel. Question suivante. Est-ce que le silicone... alors... Lisa... excellente cette question. Oui. Oui, je pense. Pourquoi? Bah parce que ça silicone, voilà, c'est tout. C'est-à-dire? Du silicone carné. Voilà. Comment ça? Bah Gérard, t'en demandes trop, là. Hein. Pourquoi? Bah parce que... Bon, Arnette, est-ce que le silicone... Est-ce que le silicone... Oh, tu te réveilles, tu te débouches les oreilles ou quoi? Ouais, le silicone, ouais, il pue. Pourquoi? Parce que il a des mauvaises odeurs sous les bras. C'est-à-dire? Bah c'est-à-dire que le problème est vient de la part des chaussures. Comment ça? Bah dans ce cas-là, tu peux lire le dictionnaire. Comment ça me les gonfler? Tony, Tony, est-ce que le silicone? Bonsoir mon chou. Bon alors c'est bon. Delphine. Est-ce que t'es payé pour faire de la pub pour des glaces? Alors y a pas de pub alors. Allez hop. Alors le premier, ça va être clair et net. Le premier que j'entends parler d'Europe 1, d'RTL ou de Skyrock, il dégage. Gérard. Ok. Et en ce moment, sur Skyrock, il y a les Guns N' Roses. Et ouais, bah alors, allez hop. Allez, bonne nuit. Ouais, Manu, tu te réveilles. Ouais. Il y a un mec qui dit qu'il parlait pas de Skyrock, là, celui-là, il me l'enlève. Allez hop, je veux pas l'entendre. Oui. Est-ce que tu penses que la Silly est centrée par rapport au cône? Je t'écoute, mon coquelicot beige. S'il te plaît. Non, mais t'as écouté ma question. Je t'écoute, mon coquelicot. D'accord. Est-ce que tu penses que le sili anthracite par rapport au cône? Pour dire que j'allais silicone. Oh là là. Non, mais là, on respecte pas. Hein. Moi, je vous préviens, c'est le dernier débat. J'ai quelque chose à te dire, Gérard. Vas-y. Ouais, j'ai écouté, ça n'a rien à voir avec le débat. Hein. Ouais, bah alors, si ça n'a rien à voir. Vas-y. Ouais, j'ai écouté la dernière fois ta soirée à la loco, là. Oui. C'était d'enfer, je l'ai enregistré et je suis en train de faire un montage. Oula. Oh là là, la radio, bordel. Je suis en train de faire un montage. Oui. Un montage vidéo avec toute la soirée, est-ce que ça t'intéresse? Non. Voilà, comme ça t'es content, t'as eu la réponse à la question. Bon, qui c'est qui fait du Larsen, là? C'est pas moi. Bon, c'est... toi, quand on t'appellera pot de chambre, tu sortiras sous le lit. Bon, le double son, Bon. Attends, mais Olivier, tu crois qu'on ne voit pas? Quoi? Bon, Olivier, s'il te plaît, le double son. Bon, alors, oui. Bon, Arnette. Ouais, je suis d'accord. T'es d'accord, c'est-à-dire... C'est-à-dire... Bah, pose pas de questions, je suis d'accord, c'est tout. Ouais, je vais te dire ouais. Non mais, Gérard, débat, Gérard, Gérard, Gérard, Gérard, Gérard, Gérard, Gérard, Gérard, oui. Je t'ai enregistré sur une radio concurrente, et voilà ce qu'il dit, Gérard, c'est vrai que vous faites sodomiser à la loco? Bon, alors, oui, ça c'est... Hein? Ah! Alors, question suivante, est-ce que le silicone... J'ai pas répondu, moi. C'est pas grave, question suivante. Est-ce que le silicone dit oui quand on lui appuie sur le ventre? Oui. Il en est fier. Qu'est-ce que le silicone? Est-ce que le silicone dit oui quand on lui appuie sur le ventre? Oui. J'attends. Adidas. Bah, je suis plus là, moi. Comme par hasard. Alors comme par hasard, il est plus là et on entend encore sa voix. Il passe par-dessus tout le monde. Ah non, mais t'es trop fort. C'est ouf. Alors, c'est un mec de la radio, ça. Adidas. Il doit être dans un bureau. Adidas. Je me demande bien qui ça peut être. Il y a du monde. Il doit y avoir des mecs comme Reebok ou Nike derrière lui. Il est pas tout seul. Il y a du monde derrière lui. Tu fais de la pub, j'ai reconnu la voix de Reebok. Il y a Reebok derrière. C'est habituel. Ouais, il y a Henri. Yannick avec lui aussi. Alors, Caramel. On est sur Fun Radio. C'est Adidas Nastas. Bon, toi pour l'instant, tu vas la fermer. Oui, il aime ça. Il veut pas. Bon, alors pour l'instant, les mecs. Ça va gerber, hein. Pour l'instant, les mecs, vous la fermez. Eh ben les filles, allez. Alors les filles, j'écoute. Est-ce que le silicone peut dire oui quand on lui appuie sur le ventre? Est-ce que le silicone dit oui quand on lui appuie sur le ventre, Lisa? Oui, il peut dire oui. Alors pourquoi? Il ne dit que cela d'ailleurs. Il fait oui quand on appuie sur le ventre. Pourquoi? Parce que le silicone est dans le sein. C'est-à-dire? Écoute-moi. Comment ça? Le silicone est dans le sein. Quand on appuie sur le ventre, le sein bouge, oui. En bas. Donc oui. Il dit oui. D'accord. Voilà. Lisa? Moi je dis que le fait de silicone dit toujours oui. Hein. Il ne dit que cela. D'accord. Gérard, oui. On accueille Bock Henry à la place de Adidas. Alors, Bock. Ouais, comme par hasard, Bock. Salut, salut. Allô. C'est un habituel, salut. Bock, bonsoir Bock. Salut, mais tu peux m'appeler Henry. Hein? C'est Henry Bock. Henri Bock? Ah ouais. Eh, Henri Bock, t'as pas un coup de pompe? Tu vois le truc? Oh là là là là là là. Tu vois le jeu de mots? Oh, c'est bas. Je sens que ça va gerber tout à l'heure. Ouais. Ça, c'est clair, il y aura pas de poème. Harry Bock? Il y aura pas de remix. Il y aura pas de poème, il y aura pas de remix. Je voulais te dire, je t'aime, mais ta boîte à caca. Bon, Gérard, tu reprends le débat. Alors, Tony, est-ce que le silicone dit oui quand on lui appuie sur le ventre? Ah, je sais pas pour le silicone, mais moi quand je t'enfonce l'anus, tu dis encore. Bon, alors lui, c'est bon. Alors là, Tony, bonne nuit. Alors là, tu me l'enlèves, Tony. Manu, s'il te plaît, Manu. Voilà, bonne nuit. Oui, j'écoute. Il y a une faute de grammaire dans ta question. Je t'écoute, ma fesse noire. Vas-y, ma pousse-couche bleue. Mon compte Tony. Je t'ai demandé d'enlever Tony. Ah, mais c'est tu dégages. C'est plus Tony, c'est Jean-Claude. C'est Jean-Claude. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir à tous. Bonsoir ma couille. Ouais, bah alors lui, Jean-Claude, tu vas te calmer déjà pour commencer. Vas-y, mon petit coton, tu j'en suis. Je t'écoute. Non, mais je voulais dire qu'il y a une faute de grammaire dans ta question, hein, Gérard. C'est-à-dire? Elle est fausse, ta question. Pourquoi? Tu peux répéter, Gérard, ta question? Bon, alors, question suivante. Faute de grammaire, on dit pas un Gérard, on dit une mère du même. Oh, bah alors lui, j'ai dit qu'on parlait pas de la famille. Bon, alors, question suivante. Est-ce que le silicone dit non quand on lui appuie dans le dos? Delphine. N'importe quoi, les gars. Non, mais alors là, ça, c'est la question. Ça part en couille, là, Max. Alors, est-ce que le silicone dit non quand on lui appuie dans le dos? Bien après... sûr que non. Après... Jean-Claude. Jean-Claude! Y a pas de Jean-Claude. Non, oui, Tony, Jean-Claude. Non, Tony, alors comme par hasard, Tony, voilà. C'est Jean-Claude. Eh ben alors voilà. Tony, Jean-Claude, bonne nuit. Bonne nuit. Est-ce que le silicone dit peut-être quand on lui appuie sur la tête? Alors, Stéphane. Ouais. Oui. Allez, réveille-toi. Je suis réveillé, mais tu m'interroges jamais, alors. Oh là là là là. Est-ce que tu penses que si ta mère n'avait pas fait de fausse couche, t'aurais eu une gueule potable? Oh là là. Alors là. Bon, alors là, j'arrête. Allez. Non, on a dit pas les parents, pas les affaires. Refusez ton débat. J'arrête. Non, non, c'est bon. Allez, Tony, tu dégages. Bon. Allez, on file les débats. Il y aura pas de remix, il y aura pas de poème, c'est clair. Oh, si, j'ai des. Gérard, c'est ton coquelicot rouge. Ouais, mais j'en ai rien à foutre. Allez, cousin, fais pas ta mijaurée. Alors là, Gérard. Allez, Gérard. Je te promets, t'auras ta dose à la loco. Tu demandes à l'alligator qui sort le... Bon, t'as raté ta caméra, toi. Les mouches arrivent, c'est Gérard qui arrive alors. Ta gueule, Silda. Gérard, qu'est-ce qui t'arrive? Toi, va te faire enculer dans les chapelles. Silda, tu demandes à l'alligator qu'il arrête. L'alligator, arrête. Bon, Olivier, tu joues à quoi? Olivier, j'ai jamais vu un bordel pareil, sans déconner. Gérard, c'est ton poussin vert. Remets ton cas, Gérard. Gérard, tu reviens dans le débat, tu mets ton casque. Oh, Gérard, reviens. Allez, reviens, Gérard. Moi, j'attends. C'est ton poussin vert, allez. Voilà, bon, alors c'est revenu normal. Alors, est-ce qu'on peut dire non? Est-ce que le silicone dit non dans le dos? Quand on l'appuie dans le dos? Ouais, il dit toujours non. Pourquoi? C'est Nadia. Il dit toujours non parce qu'il aime pas se faire prendre par derrière. C'est-à-dire? Il aime pas se faire prendre par derrière. Bock, Henri Bock. Ouais, je voulais savoir si Christine elle disait ouais ou non quand tu lui mettais où je pense. Hein? Je voulais savoir si Christine disait oui ou non quand tu lui mettais où je pense. Et ma bite dans les chiottes de la loco, ça te dit quelque chose? Ouais, ça me dit quelque chose. T'appelleras de bonne nuit, tu t'appelleras pot de chambre. Ouais, c'est ça, ouais. Quand tu ressortiras du lit de bonne. Quand tu ressortiras gros cul, je t'appellerai grosse bite. Bon, allez, tu mets un disque. J'arrête. Tu mets un disque. Non, c'est bon, Vera. T'arrêtes quoi? Allez, on continue. Ricky Martins. Non, j'arrête. Et vous les filles, est-ce que vous aimez être pris par derrière? On met un disque. Oh non, Gérard. C'est quoi le disque, Gérard? Trou du cul. Chanté par les fesses de babouin, comme par hasard. Comme par hasard. Ça y est, j'arrive à prendre que les fesses. Un vacilo baila de salia, us dos tres, un sabio baila, us dos tres, un vacilo baila de salia, us dos tres, un vacilo baila, un dos tres, yo malo mamma mia, us dos tres, un vacilo baila. C'est bon, c'était qui Gérard l'artiste? Hein? C'était qui Gérard l'artiste? C'est Ouz de Stress, c'est Ricky Martin. Tu me stresses. C'était pas Ricky Pastis? C'est Tiki Martin. Bon, c'est bon? C'est Ricky Martinique. Bon, alors, Ricky la suite Martin. Du débat. Toujours avec... c'est qui, là? Lisa. Alors, on a qui, toujours, là? Caramel. Lisa, Arnett, Caramel. Ouais. Henri Bock. Ouais, je suis là, bouffon. Tu sais ce qu'il te dit? Tu sais ce qu'il te dit, le bouffon? Tu retournes chez toi. Ouais, tu retournes chez toi et c'est bon. Et tu vas gerber. Tony, Arnett. Salut, mon chou. Comme salut. Par hasard. Salut, salut, ma alors... Je te fais chier, tu me le dis, Max, hein? Gérard. Eh, vous allez commencer par vous calmer, s'il vous plaît. La question suivante. Est-ce que le silicone a des relations avec la police? Alors... Ouais, avec Navarro. Nadia, je t'écoute. Oui, le silicone... Nadia, tu te réveilles, s'il te plaît. Oui, le silicone a des rapports avec la police. Pourquoi? Parce que le silicone a la police. Comment ça? C'est-à-dire? Bah, il a la police au toucher. Où ça? La police ou quoi? C'est-à-dire? Ben, il est doux quand on le touche, donc il a la police. Ouais, la planète des Gérin, singes. Gérin. Allô. Excuse-moi, à la place de Henri Bock, on accueille Véronaïque. Alors, Véronaïque, comme par hasard. Pourquoi? Non, mais attends, c'est un travelot, ça. Alors, celui qui s'amuse avec les sons, il s'arrête, s'il vous plaît. De toute façon, c'est derrière, c'est des Max qui s'amusent derrière. De toute façon, ça, je l'ai reconnu. Arnett. Ouais, tu peux répéter la question? Non, alors, Tony. Ouais, ouais. Oui, c'est, ils sont Si t'es pas content, c'est la même chose. Ils sont tous pourris, c'est une gigantesque mafia là-dedans. Oh mon dieu. D'accord. Votez les prodomes. Pardon? Votez les prodomes. C'est déjà passé. Hein. Comment ça, Condon? Alors là, écoute-moi bien. C'est une insulte libanaise. Écoute-moi bien, Lascar. Oui. Hein? Parce que là, j'ai entendu un truc qui m'a pas fait plaisir. On parle pas les mots en allemand, ok? Ok. Eh, hey, Gérard. Ok. Gérard, je veux dire un truc. Toi, ta gueule. Alors, Je vais jouer, Gérard. Gérard, il y a Tony en antenne qui a dit que tu refoulais du bec. Bon. Et sur Minitel, il y a Totti qui dit que le silicone fait bien partie de la police, il s'en sert pour la circulation. C'est quand même intéressant. La silicone, bon. Police au cul. Bon, ma chatte kaki, c'est à toi. Et là, comme par hasard, personne veut prendre la main. Oui, bon, c'est vrai. Bon, ma chatte. Lisa, Lisa. Oui, c'est la main. Ma chatte kaki, je t'écoute. Ah non, je suis pas d'accord. Alors, est-ce que le silicone a des relations avec non, la police? Je réponds pas. Très bien, bah alors si t'es pas contente, tu t'en vas. Bonne nuit, allez. Non, hop là, hop là. Bonne nuit, Manu, Manu. Je t'ai demandé un truc, Manu. Ça y est. Tu travailles? Tu travailles parce que c'est la dernière fois, on en avait discuté avant le débat, ça continue tout le temps. Quel gamin, ce Manu? Alors, On accueille Delphine. Claire. À la place de Lisa. Ouais, oui. Delphine. Oh, Claire, ton père, il est pas vitrier? Oh, bon, alors. Non. On entend la musique derrière, par contre, un petit peu en trop tout cas, fort. Je sais pas pour ton père, mais ta mère, elle suce des bites. Gérard, je peux pas te défendre, alors. Alors, celui. Gérard, tu les laisses insulter comme ça. Je préviens d'une chose. Ah. Une. Et là, c'est un ultimatum. Je préviens d'une chose. C'est un ultimatum. Et là, ça va être clair et net. Le premier que j'entends parler de la famille. Du pont de l'Alma. Du pont de l'Alma. Ou. À la DAS. Ou de Remix. Et Christine, on peut en parler. C'est clair et net. Ça se termine au tribunal. Parce que là, j'ai des avocats. La famille, je l'emmerde. Ouais, bah alors lui aussi. Alors là, bon, alors là, c'est pas la peine. Gérard, moi j'ai. Bon, allez, hop, question suivante, parce que là, je commence à en avoir ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol. Non, chaque jeudi, c'est la même chose. Comme par hasard, le premier débat. Le premier débat se passe bien, le deuxième débat, c'est n'importe quoi, c'est toujours les habituels. Manu, tu commences à faire chier. Je veux Karine au standard. Ouais, bah, Karine, tu viens, s'il te plaît. Question suivante. Ah non, j'ai pas répondu, Gérard. Caramel, il n'a pas répondu à la question. Alors, Caramel. Ouais, bah, de toute façon, c'est de la magouille. Oui, c'est politique, c'est évident. C'est bon. La magouille. Non mais oh que... On n'a pas entendu Nike. Il est complice avec le gouvernement, etc. Nike. Non mais c'est pas Nike. Eh vas-y, Nike, t'arrêtes. C'est le bordel, Gérard. Tu ah non mais là... Mais tu mènes pas ton débat, tu Claire, comprends Claire, Claire. Oui. Bah je mène pas mon débat, ils répondent pas aux questions, et Manu, il passe son temps au téléphone. Qu'est-ce que tu fous, Manu, merde? Oui, c'est vrai, j'arrête le téléphone. Qu'est-ce que tu fais au téléphone? Claire, je t'écoute. Oui, oui, ma boulot. Oui, je t'écoute. Des rapports avec la police. Je te t'écoute, ma cacahuète violette. Je t'écoute. Mais oui, ça, oui, le silicone a des rapports avec la police, c'est clair. C'est bon, clair. Moi, je voudrais parler à mon petit caca de chat. Bah, parce que le silicone s'est arrêté de faire par la police, donc il y a un fichier. C'est-à-dire Bah, il y a un casier judiciaire. D'accord, Nike. Nike. Oh, Nike, tu te réveilles? Ouais, je suis là. Oui. Eh, Nike Larson. Oh là là là là. Bon, alors, hop, lui, tu me l'enlèves. Lui, il comprend rien du tout. Lui, tu me l'enlèves. Il comprend rien du tout, là. Bon, question suivante. Question, on écoute la question. On écoute la question. Est-ce que. On écoute la question, on fait que ça, merde. Oh là là. Gérard. Bon, je la retire de l'antenne. Est-ce que le silicone est fan de Louis de Funès? Oh là là là là. Dans quel film? Dans quel film? Eh hey, Gérard. Non, j'écoute. Non, non. Claire, est-ce que le silicone est fan de Louis de Funès? Oui, c'est clair et net, ouais. C'est on te demande dans c'est quel clair, film Claire. Comment? Sous ta gueule, je crois, Gérard. Dans la soupe au shoot. Non. Je crois qu'il a vu tous ses films, hein, silicone. Dans quel film? Bon. Gérard, on m'a dit de te dire ça au standard, je m'excuse pour mon impolitesse. Je suis désolé. Non mais attends, c'est quoi cette musique? Alors celui qui met la musique derrière, il arrête, s'il te plaît, merci. Cette musique me dit quelque chose. Arnett. Ouais, bah je disais qu'on m'a dit de m'excuser au standard. Est-ce que le silicone peut devenir fan de Louis de Funès? Bah non. Non, c'est impossible. De quel film alors? Pourquoi? Non, c'est pas possible, donc il y a pas de film. Oui, mais pourquoi il peut être fan? Et de quel film? Pourquoi? Parce que c'est comme ça et c'est la vie. Tony. Oui, moi je pense que le silicone peut être fan de Louis Funès et Louis de Funès puisqu'il a une belle plastique. Tu vois le jeu de mots? Belle plastique, Louis de Funès. Bon alors là. C'était pas drôle. C'est complètement débile. Ouais. Delphine. Non, je crois que le silicone préfère Bourville. D'accord, Stéphane. Ouais. D'accord, bon alors lui, il dort, c'est pas la peine, Nadia, si tu veux, Nadia, ouais bah si t'es pas content c'est pareil. Ouais bah à chaque fois tu me dis la même chose alors. Nadia, je t'écoute. Non, je crois pas que le silicone soit fan de Louis de Funès. Oui mais, bon alors les voix, alors là j'entends plus rien. T'entends plus rien? Non. Bah hé, tu m'entends? Hey, Gérard, je te évidemment je t'entends, abruti va. Eh bah alors pourquoi tu dis que t'entends plus rien? Pauvre mec. Caramel! Quelle bande de caves! Ah, les charclots, sérieux! Vous me faites rire, quoi! Question suivante! Tu plus, Gérard? Ouais, bah ta mère aussi! T'as même pas posé la question, toi! Non, c'est en suivant! Gérard, pourquoi on poserait pas une question sur toi? Bah, je vais répondre à la question! Gérard! Est-ce que le silicone peut être fan de Louis de Funès? Bah oui! D'accord! Et sinon, pourquoi? Bah parce que parce que voilà. Gérard, pourquoi? Gérard, c'est Véronique. Ouais bah Véronique, pour l'instant tu la fermes. Ah mais je voulais seulement dire que je voulais repasser au standard parce que j'en ai marre de faire la voix de meuf, j'y arrive plus. Bon bah alors comme par hasard, tu vois Manu. Je peux la remplacer? Alors est-ce que le silicone... Attends, laisse Gérard poser sa question. Est-ce que les filles siliconées voudraient se marier avec moi? Non. Si non, oui, pourquoi? Alors on répond à la question. Lisa. Pour moi. Bon, il y en a un qui a la radio derrière. J'entends. J'entends. J'entends. J'entends l'écho, je continuerai pas. Bon, Olivier. Olivier. Bon, allez, hop, je joue avec les boutons. Toi, tu joues à quoi là? J'ai rien fait. Bon, alors. J'arrête, j'attends. Non, Gérard, reprends ton débat. Non. On accueille Gaston. Non. À la place de Véronique. Non, il n'y aura pas de débat. Gérard, reprends ton débat. Putain, mais qu'ils arrêtent alors, Manu, merde. Oh là. Gaston, il y a le téléphone. Comme. Il n'y aura pas de poème, hein. Ouais, Gérard, c'est ton poème, j'en fous des poèmes. Ils ont fait des poèmes, tu vois. J'avais un poème sur la sodomie. Il n'y aura pas de débat sur la sodomie. Il n'y aura pas de poème sur la sodomie. J'en fous. Bah non, ah ouais. Moi je pense que Ah ouais, alors on s'en fout et après quand je fais pas de poème on m'en demande. Mais non, on s'en fout. Gérard, dis-nous un petit poème là comme ça. Non, pour l'instant vous répondez à la question. Est-ce que les filles siliconées voudraient vivre se marier avec moi? Bah non, c'est non. Gérard, moi je pense que si elle est conne, bah ouais. Donc si elle est conne. Ah ouais, pour faire le jeu de mots, d'accord. Non, ok, non. Tout de suite, je vois tout de suite le. Non, le débat. Moi je dis non, Gérard, parce que tu n'aimes pas les filles qui ont des grosses poitrines. Tu te prends des coups dans l'œil. À l'heure actuelle, Des coups dans les yeux. À l'heure actuelle, je suis prêt à prendre n'importe quoi. Même avec Christine. Même un mec. Ouais, même avec Christine. Même un mec. Ça fait trop mal. C'est pour non, vous dire que. T'es pas sorti avec une nana depuis longtemps? Alors ça, c'est une question que je te répondrai pas. C'est pas. Voilà. Alors. Parle pas de la famille. Pardon. Est-ce que t'es déjà sorti avec une nana déjà? Oui. Ah bon. Oh t'es puceau. Bon. Non. À quel âge? Gérard, t'as baisé à quel âge? À quel âge t'as baisé? Il a 3 ans quand il était en CM2. J'avais 12 ans et j'étais dans la forêt. Voilà. Il y avait des hiboux dans la forêt? Il est encore vivant, le sanglier? Mais non, il était avec... Pauvre cave. T'es vraiment qu'une cave. Allez, gerbe. Tu me sais quoi? Oui. Avec un con comme moi, on s'amuse. Avec un con comme toi, on se fait chier. C'est vrai. Un de bon entendeur, salut. Un bon entendeur. Ça veut dire con? Ça veut dire champion olympique de natation. Ouais, c'est ça, ouais. C'est qui le bon entendeur? Salut, ouais. Est-ce que vous pensez que je dois me faire siliconer? Oui, siliconer le cerveau. Ouais, les neurones, ouais. Alors, Lisa, est-ce que je dois me faire siliconer et c'est quoi? Non, je pense que tu pourrais te faire siliconer. Rien, alors non. Arnette. Ouais, bah moi je pense que tu devrais pas te faire siliconer, mais te faire un petit lifting, ça te ferait pas trop de mal. Ouais, Tony. Reste comme t'es, c'est comme ça qu'on t'aime. Merci. Delphine. Focus, ça, c'est focus. Delphine. Moi je pense qu'une une siliconation intégrale. C'est gentil. Pas mal quoi. Une quoi? Une siliconation intégrale. Elle a plus de mal à parler là, mademoiselle. Alors, bon. Ouais, mais ça n'a aucune vertu, hein, Gérard. Ça n'a aucune vertu intellectuelle. Hein. Je vois pas pourquoi tu parles du cocotion. Alors, on avait dit pas d'insultes. Non, mais ça n'a rien à voir avec... Stéphane, ouais, question suivante. Moi, je dis que t'es parfait comme t'es. Ouais, je te rends les poissons dans les chiottes de la loco. De quoi? Attends, de quoi? J'ai dit que tu étais parfait comme tu étais. Ouais. Et que je te donnais rendez-vous à 2h dans les chiottes de la loco. Ouais. Et bah, c'est ce qu'on verra. Bah, que de la gueule. Et bah, tu prends rendez-vous. Okay. Nadia. Oui. Tu m'excites. Et moi, je sens bon, bah, tu te réveilles, Nadia. Oui. Bon, allez Nadia, hop, caramel. Nadia, elle m'excite. Ouais, moi aussi, Nadia, elle m'excite. Hein? Je trouve que Nadia elle est super. Bon, alors une question suivante. Putain, Manu! Gérard, reprends ton débat, c'était bien là. T'as vu, c'est dur. C'était hyper intéressant. Gérard, tu remets ton casque. Gérard, tu remets ton casque. Non, je remettrai pas mon casque tant que t'arrêteras pas avec tes deux voix. Oh, il m'excite. Un coton-tige. Dans son cul. Ouais. J'arrête. Bon, alors question suivante. Bon, vas-y, salut, comprends bien. Je m'appelle Jean-Claude. Delphine, tu fais quoi? T'as pris 5 minutes pour ton débat là. Tu te dépêches. Alors, tant pis, il y avait encore 4 questions. C'est pas grave, on s'en fout. Gérard. Est-ce que le silicone tourne autour de la Terre? Oh là là. Alors, ta gueule. Ouais, c'est Gaston, là. Tu peux me refouter au standard parce que je parle pas, donc ça sert à rien que je sois à l'antenne. Eh voilà. Bah tu dégages, alors bonne nuit, Gaston, puisque tu veux pas parler, tu veux pas répondre aux questions, bonne nuit. Ah. Gaston, je t'écoute. Comme par hasard, il est plus là. Arnette, est-ce que le silicone tourne autour de la Terre? Je sais pas. Parce que je suis pas assez instruit pour te répondre à la question. Mais si. Tony. Laisse-moi dormir. D'accord, Lisa. Moi je dis que oui, probablement oui. Toi jeudi ou vendredi, ouais, c'est ça, ouais. Toi jeudi ou vendredi. Bravo que... Gérard, bravo. Ah, tu dis toi jeudi, moi je dis que, moi jeudi, moi je vendredi. Ah d'accord. Bravo. Ok, très bien. Nadia. Non Gérard, t'as pas senti moi. Oui, ok, Caramel. Oui, c'est Nadia. Bah, je pense que le silicone, oui, voyage beaucoup. Ah, elle se réveille, elle. Ouais, Caramel. Je suis d'accord aussi avec. C'est quoi son prénom? Oh là là! Moi je crois qu'on va faire les deux dernières questions. Est-ce que le silicone a un numéro de portable? Oh, j'ai pas répondu sur la lune là. Caramel, je t'ai vu cet après-midi, tu me fais bander. Est-ce que le silicone a un numéro de portable? Oui, le tien. Pourquoi? C'est quoi ton numéro? Pourquoi? Donne-le nous. Pourquoi? 06 06 06 06. Non. Bon alors lui tu me le dégages. Allez hop, Manu, bonne nuit. 111. Est-ce que Gérard, excuse-moi 30 secondes, on accueille Momo Cassin. Momo Cassin, comme par hasard. À la place de Gaston. Momo Cassin, bonne nuit, bonsoir. Bonjour Gérard. Bonsoir. Bonjour. Bonsoir Momo Cassin. Il va bien? Qu'est-ce que ça peut te foutre? T'as pas regardé ce matin? Je sais pas, j'ai pas regardé ce matin. C'est bien, Tidal. Bon, Momo Cassin, est-ce que t'en as pas lassé? Lassé? Des chaussures? Voilà. C'est Gérard qui est drôle. C'est pas une insulte, hein. Pour ou contre le silicone pendant le mariage? Oh là là, ces questions, elles sont graves. Pas avant l'avoir consommé, hein. Tout dépend si tu te le fous dans le cul ou pas, Gérard. Je vois pas le rapport. Non, moi je dis pas avant d'avoir consommé. C'est-à-dire ? Eh ben, après que t'aies consommé, ok pour le silicone, mais avant, négatif. Ah. Pourquoi ? Quoi ? Bon, la double voix, Olivier ! Bon, mon mocassin, tu te réveilles ? Olivier ! Olivier, est-ce que tu connais ce Olivier, la double voix, Olivier, mets-le ! Tu joues à quoi, Olivier ? On en a marre, là, ça tourne en rond, on veut chez nous. Ah ouais, ça tourne en rond comme la Terre, comme par hasard. Ouais, comme ça tourne en rond, ouais. Ton histoire. Bon, alors... D'accord. Moi, j'arrête. Eh ben, arrête. Alors, d'accord. Bon, Tony, ta conclusion, c'est quoi ? Bon, alors, la question, c'est quoi, là ? Non, il n'y a pas de conclusion, d'abord, on répond à la question. Et non, mais t'as dit que t'arrêtais, c'est bon, allez, va te coucher, allez, bon. On répond à la question, bon, alors, allez. Armel, tu voulais faire quelque chose ? C'était pas content, Armel, tout à l'heure. Non, mais attends, déjà, tu me parles d'une autre voix. Ah bah, tout à l'heure, ouais, bah. Je parle avec la voix, je vais. Je parle avec la voix, je vais, allez, bonne nuit. Bonne nuit, Carmel. Conclusion. Lisa, conclusion. On accueille Carambar. Non, à la place de Caramel. Non, c'est le même, c'est le même. Oh, c'est pas le même, Gérard. Mais non. Conclusion. Armel, fais ta conclusion, on l'entend plus. Ah ouais, je suis là. Ouais, vas-y, alors. Alors, Lisa, conclusion. Oui, bah ma conclusion, Gérard, c'est que le silicone, voilà. D'accord. Et de l'herbe ou du shit ? Armel ? Bah ouais, Olivier. Vous laissez parler, s'il vous plaît ? Olivier ! Allô ? Tu vois quoi, là ? Allô ? Olivier, je t'écoute. Écoute. Olivier, arrêtez de bouger avec les boutons ! Mais qu'est-ce que... Olivier ! Faites les conclusions ! Tu es tout rouge. Armel ! Ouais, bah ma conclusion c'est que... Armel, réponds ! Ouais ! Bah ouais, Ta conclusion ! Ok. Alors ma conclusion ce sera que Gérard, bah t'as pris du poil de la bête quand même. Ok. Et puis... Moi je ferai pas le poème sur le silicone. On s'en fout. Oh, sur le sodomie. Oh si ! Tony, ah bah tu t'en fous, bah très bien. Tony ? Oui, alors moi ma conclusion sur... Ma conclusion, pas ma confusion, il est con lui. Oui, alors moi mon occlusion sur les bon, radios, allez, lui, bon. Tony, c'est bon, c'est toujours les mêmes, c'est chaque jeudi c'est la même chose. Manu, je t'avais dit qu'il fallait arrêter, c'est toujours les mêmes. J'ai demandé qu'on n'est pas toujours les habitués, c'est toujours les mêmes. Mais c'est pas eux. Si, c'est les mêmes. Mais non. Mais en fait, on est des fous et on les imite. Bon, alors, bon, la voix dans les deux côtés de Tarek, s'il te plaît. Delphine. Oui, moi je voulais dire que tu es beau comme la lune qui se reflète dans le silicone. Bon bah tu quittes pas, je te donnerai mon numéro de cabine de tatou et de portable. Comme ça tu pourras le redonner aux autres. Non. Si, ah bah si, Stéphane. Ouais, moi ma conclusion c'est toujours à 2h dans les chiottes de la loco vendredi et je te montrerai mon silicone. Bah tu prends rendez-vous, Nadia. Ouais bah moi ma conclusion c'est que j'ai plus de cigarettes et puis c'est un peu chiant là, ce soir-là. D'accord, je vois pas du tout le rapport. Je vois pas le terme du débat. Caramel. Écoute, comme d'habitude, ça a été excellent. Ouais. Bon là, ta voix elle était un peu bizarre, un peu une voix d'hétéro, mais ça passait. Ouais, bah alors, si moi je suis un hétéro, moi je t'emmerde. Je dirais même que c'était mieux que d'habitude. D'accord, bah écoute, c'est pas clair. De problème. Sinon je vais faire ma conclusion sur les araignées parce que j'ai pas pu la faire. Non, alors ça c'était le débat d'avant. Alors c'est bon Caramel, c'est toujours la même chose. Merci pour le son. Momo Cassin. Ouais, c'est Momo Cassin. Bah là, j'ai pas de conclusion, mais je suis avec Laziza et Aïcha, elles vont te parler. Ouais, eh ben passe-les-moi. Ouais, je te les passe. Il se maigne ! Alors ? Bah, vous parlez pas, les filles ? D'accord, ok, d'accord, super. Allez, va te coucher, allez. Allez, bonne nuit. Bon, bah, avant que... ma conclusion, c'est que... le silicone... Mettre un coton-tige dans ton cul. D'accord, ok. Bah, bonne nuit. Bonne nuit, c'est fini. Non, ta conclusion, Gérard. Non, il n'y a pas de conclusion. Bon, bah, ma conclusion, c'est que le premier débat s'est mieux passé que le deuxième. Et que j'ai déjà demandé à Manu qu'on arrête. Et c'est toujours le même, même bordel. Olivier, il arrête pas de jouer avec le son. Et voilà. Alors, les prochains débats, GG, c'est la retraite. Non, il n'y a pas de prochain débat, c'était terminé. Je crois que c'est terminé. Et il manque le remix et les poèmes. Non. Si, les poèmes, j'ai. Non. Un poème. T'as pas fait celui pour l'anniversaire à Gaël ? Non. Bon, alors là, il n'y a pas de débat. Alors, en plus, Olivier, il arrête pas avec le son, donc il n'y a pas de truc, il n'y a pas de débat. Ah, bah, c'est bon débat, hein. Bon, alors je fais mon poème. Ouais, ton poème. Non, ouais. On s'en fout. Le poème. Super. Ouais, on voit le poème. Le poème. Bon. Ouais, super. Alors, on est content, un poème. Ça s'appelle Silicone. C'est con. Mais t'es compté. Alors. Silicone, mais t'es compté. Je voulais avoir du silicone, mais tu vis la nuit. Je voulais du silicone, mais tu es bilingue. Je voulais du silicone, mais tu es une destination de vacances. Merci pour le son. Je voulais être silicone, mais tu es Kujat. Je voulais devenir silicone pour devenir président de la République. Je voulais devenir silicone, mais je reste logique à la perte du dollar. Je voulais être silicone. Je voulais que le silicone dise oui derrière mon ventre. Sur mon ventre, pardon. Je voulais que le silicone dise non quand on appuie sur mon dos. Je voulais que les filles en silicone voudraient se marier avec moi. Je voudrais que je me fasse silicone. Mais je voulais que le silicone tourne autour de la Terre. Je voulais que le silicone ait un numéro de portable. Merci pour le son. Je voulais que le silicone ait hétéro. Merci pour la radio. Et je voulais que le silicone me demande en mariage. Ouais, bonne nuit à tous. Ah non, un autre. Non. Allez, un autre sur le pont d'Allemagne. Non, il n'y en a pas d'autre. Sur le pont d'Allemagne. Non. Non, alors là, ça non. Il n'y a pas de débat. C'est tout. Bon, j'aimerais te tenir la main. Gérard, c'était quand même ton dernier débat. Non, ouais. On verra. On verra. On verra. Faut que je parle à Max. Petit madame. On va mettre un petit remix quand même. Ouais. D'accord. Hein ? On va mettre un. Filard. Un petit remix. Filard. Quoi ? On met un remix quand même. Non, on en a plus, Gérard. On les a vendus aux enchères, tes remix. On va mettre les poèmes de GG. Non, allez, on met un petit remix. On met les poèmes de GG ? Non. Non. Je suis désolé, non. Non. De GG, les poèmes de GG. J'arrête. Je te donne le G, le E, le R, le A, le R, le D. Il habite en sur. Les poèmes de GG. Il attire les femmes, il attire les hommes, il attire les travestis. Normal, il est beau, il est grand, en plus il est sexy. Laisse-moi te faire un bisou le soir avant de dormir. Laisse-moi te faire un bisou dans le cou la nuit. Laisse-moi te faire un bisou avant d'aller travailler. Laisse-moi te faire un bisou quand tu prends ta douche. Laisse-moi un bisou le jour de ta fête. Laisse-moi te faire un bisou sur tes bras le soir. Laisse-moi te retourner le soir quand tu rentres. Laisse-moi te faire des bisous quand on danse un slow. Laisse-moi te faire un bisou quand tu fais la cuisine. Laisse-moi te faire un bisou quand on regarde la télé. Laisse-moi. Hey, poème de GG. Les poèmes de GG. Je te donne le G, le E, le R, le A, le R, le D. Il habite en sur. Les poèmes de GG. Il attire les femmes, il attire les hommes, il attire les travestis. Normal, il est beau, il est grand, en plus il est sexy. Toi qui écoutes Fun avec Max pour lui dire que tu l'aimes. Toi qui écoutes Max et tu l'appelles pour dire que tu es cocu. Toi qui écoutes Max et tu lui dis que tu as reçu une bouteille sur la tête. Toi qui demande à Max comment on fait une fellation. Toi qui demande à Max comment on fait pour faire une sodomie. Toi qui demande à Max ou Florent pour sortir avec une fille. Toi qui rappelle le lendemain pour lui dire qu'elle n'est pas venue. Toi qui appelle pour demander comment va Gérard. Toi qui voudrais pas aller à Gérard mais n'est pas descendu dans la cabine. Gérard descend à la cabine. On a besoin de toi. Poème de GG, les poèmes de GG, les poèmes de GG, les poèmes de GG, les. Je te donne le G, le E, le R, le A, le R, le D. Il habite en sur. Les poèmes de GG, les poèmes de GG, les. Il attire les femmes, il attire les hommes, il attire les travestis. Normal, il est beau, il est grand, en plus il est sexy. Pop, tout le monde sait que c'est Rimbaud. Moi je te le dis, il est plus fort que Hugo. Quand il fait des super poèmes, je suis content et franchement je les aime. Grâce à Gérard, je suis content, les filles me kiffent dans la rue. Grâce à Gérard, je suis heureux, les filles me veulent tout nu. Et oui, franchement c'est trop super. Grâce à Gérard, je y'a plus moyen de prendre le métro tranquillement, y'a plus moyen de marcher dans la rue lentement, y'a plus moyen de prendre le métro tranquillement, y'a plus moyen de marcher dans la rue lentement, y'a plus. Tous les soirs, il prend son téléphone, il appelle le max et ensuite il cartonne. Et c'est pour cette raison qu'il drague beaucoup. Toutes les filles trouvent qu'il est dans le coup. Gérard, Gérard, yeah, yeah, un, pas de problème. Yeah, Gérard, Gérard, yeah, yeah, yeah, pas de problème. Depuis que j'ai dit à mon entourage que Gérard, je le connaissais, toutes les meufs, à OM au cours après. Merci Gérard pour toutes ces histoires. Merci Gérard pour toutes les filles que tu nous emmènes. Grâce à tes poèmes, nous on y reste blême. Ouais, tous les soirs je les emmène. Grâce à Gérard, on va se faire du pognon. Grâce à Gérard, on va se faire du pognon. Je serai content, je vais me faire de l'argent. De l'argent. Grâce à Gérard, je vais me faire du blé. Yo, Gérard, yo, yo, yo, Gérard, yo, yo, yo, Gérard.